When it's all been said and done. There is just one. Le frère Guy Yannick, bonjour. Comment tu vas? Nous allons toujours très bien parler au Cameroun. Le frère Benjénic, bonjour et bienvenue dans Allemagne dans la sainteté. Le frère, notre bon frère Richard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir frère. Ravi de te voir et de te voir, de te savoir connecté dans les mandats de la sainteté ce soir. Moi de même, mon frère. Mmh. Vous me voyez, n'est-ce pas? La sœur Rosalie, bonsoir. Oui, c'est pour ça qu'il nous a mis le carton rouge. La sœur Pérec José, bonjour et bienvenue. La sœur Carole Châtelon, bonjour et bienvenue. Shalom, shalom, frère. Voilà. La sœur Albertine, bonsoir. Elle est en pleine réparation de son ordinateur. Bonsoir, frère. Non, bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Cyril, bonsoir et bienvenue. Le frère Cyril est couché. Le frère Camden, bonsoir. Bonsoir, frère Léon. On ne te voit pas du tout. Pourtant, tous les autres ont les vidéos. Si, si ma vidéo est là. Bon, je ne te vois pas sur mon écran. Le frère Yacine, bonsoir et bienvenue dans Allemand de la sainteté. Bonsoir mon frère, bonsoir monsieur, bienvenue. Comment tu vas? Assez bien par la grâce du Seigneur. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous chaque dimanche à partir de 15h du Cameroun. Bonsoir au frère Cyril dont le micro est bloqué. Il écrit dans le forum là-bas, il vous dit bonsoir. Son micro est bloqué. La soeur Marie-José, bonsoir. Bonsoir frère Junior. Bonsoir. Ça va? Ça va pour la classe aussi. Toujours en mouvement. Oui, avec des enfants, c'est trop difficile. Là, maintenant, j'ai pour l'habitude de pas évident. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te fortifie. Amen, amen, frère, amen. Alors, le frère, je ne sais pas si le frère Cyril a déjà son téléphone, son micro arrangé déjà pour qu'on commence. Ou mieux pour qu'on continue là où vous avez commencé. Alors, comme vous aviez commencé avec les diacres et les diaconesses là. Oui, c'est bon. Bonsoir, mon cher frère, et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions avant qu'on ne commence? On prend un sujet de la Bible. S'il n'y a pas de questions, je vous pose deux ou trois questions. Moi j'ai une question dans Ézéchiel. Quel chapitre, frère? Ézéchiel chapitre 31, versets 15 à 16. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil. J'ai couvert l'abîme à cause du fils. J'en ai répandu les feux. Les grandes ont été arrêtées. J'ai rendu le vivant triste à cause de lui. Et tous les arbres des champs ont été destruits. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec descendre dans la fosse. Tous les arbres étaient ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les plus beaux et les meilleurs du temps, tous arrosés par les eaux. Et mon frère, quelle est ta question concernant cela? Là, on est en train de parler comme ça de Lucifer. Et en fait, je me demande, bon, là, il est question de l'avoir précipité dans le séjour des morts. Bon, je me demande si c'est un autre séjour des morts ou bien c'est le même séjour des morts, si ce sont, par exemple, les âmes qui se trouvent dans le séjour des morts. On l'a déjà précipité, frère. Non, pas encore. Et dans ce cas, c'est où est-ce qu'on est en train de parler? Dans l'abîme. Alors, la sœur Rosalie, bonsoir. je crois qu'elle n'a pas encore mis son truc. Oui, mon frère, donc, alors, ce qui est écrit dans ce livre d'Ézéchiel, chapitre 31, c'est la même chose qui est réitéré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, n'est-ce pas, à partir du verset 12 jusqu'au dernier verset, n'est-ce pas? Amen, frère. Mmh. Non, en fait, c'est la chute dont on décrit dans Apocalypse, chapitre 20, verset 1 à 3. Mmh. Effectivement, ça va pas, n'est-ce pas, frère? Exact. Mais ta vidéo, ça ne donne pas, je ne te vois pas en vidéo non plus. Donc, en allemand, il y a déjà les câbles chinois. Là. Et la vidéo de notre frère Richard de la Pologne, de la Norvège, ex-coachée, je ne sais pas si c'est chez moi que ça dérange. Frère, je pense que c'est parce que tu as partagé ton écran. Ok, donc j'arrête alors le partage. C'est bon maintenant, n'est-ce pas? Ce qui gêne un peu ici, c'est qu'à croire ceci, on dirait qu'il va en fait se retrouver au même endroit où les âmes sont en fait dans le tourment au niveau de l'abîme, au niveau du séjour des morts. Là. Donc c'est un peu d'où il y a, je dirais, un peu peut-être confusion. Quoi. C'est dans votre langage qu'on a écrit séjour des morts, c'est parce que Dieu a dit. Satan ira exactement ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 20. D'accord, mon cher frère. Mmh. Alors, des questions? Dans Ézéchiel chapitre 20, le verset 25, verset 25 à 26. Donc j'aimerais un peu que tu puisses un peu mieux éclairer en fait, ce qu'il y a tout autour. Ézéchiel chapitre 20, verset 25 à 26. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, des commandements par lesquels ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Alors, le frère Benjiné. Allô, frère. Vous avez sommeil? Moi, je... Pourquoi c'est froid par ici, comme ça, comme si c'était la période de la guerre froide? Quelle est la question dans ce livre d'Ézéchiel, chapitre 20? Qu'est-ce que tu veux savoir? La question, c'est de quoi il est vraiment en train de parler en disant qu'il a donné des préceptes par lesquels il ne... des préceptes qui n'étaient pas bons, des ordonnances par lesquelles il ne pouvait vivre. En fait, voilà un peu. Dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que le salut ne vient pas les œuvres, mais par la foi. Par la foi. Maintenant, ça veut dire que est-ce que quiconque vivra, si on vit, on fait ses commandements, on doit vivre. Est-ce qu'en observant ces commandements, on a la vie éternelle? Non. Tu es sûr, frère? Bon, puisque c'est dit, mon juste vivra par la foi. Ah ah. Dans Ézéchiel, qu'est-ce qu'on dit donc là? Il dit, je leur ai donné aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. les commandements par lesquels il ne pouvait vivre. Mais est-ce qu'ils ont donc vécu alors les commandements là? Ils les ont vécu? Puisque Dieu ne leur a pas donné la possibilité même d'obéir à ces commandements là, n'est-ce pas? Ouvre ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, mon cher frère, verset 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Voilà. Donc si c'est pour le cadre de la vie, Dieu le conduisait dans la vie naturelle, n'est-ce pas? Mais pour ce qui est du commandement de la vie, Dieu dit qu'il n'a pas encore ouvert le voile pour qu'il puisse bien comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il promet dans ce livre d'Ézéchiel, justement? Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, à partir du verset 22, vous allez voir effectivement comment il va leur dire qu'ils vont aller dans d'autres nations, ils vont être souillés, comme Deutéronome chapitre 32 le disait. C'est dans cette nation-là qu'ils vont aller servir d'autres dieux, et de là-bas, ils vont se tourner avec l'amertume dans le cœur, ils vont crier à Dieu, et Dieu va les faire rentrer. Et puis là, il promet... Dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25 et 26, il dit qu'il va les nettoyer, il va les purifier avec une eau pure, il va mettre sa parole en eux, son esprit en eux, il va faire donc qu'ils puissent obéir à sa parole. Tant que c'est ça que Dieu a dit dans ce Deutéronome 29, verset 4, qu'il n'avait pas encore mis cela pour qu'il puisse permettre d'obéir à ses commandements. La parole de Dieu est esprit. Et si vous voulez vivre selon l'esprit, vous ne pouvez pas vivre selon l'esprit avec les principes de la chair. Vous ne pouvez pas vivre avec la chair, vivre l'esprit avec la chair, ce n'est pas possible. Ce sera un peu comme essayer d'imiter un oiseau avec, en cousant les habits avec comme si c'était les ailes de Spider-Man. Essayez de monter sur un immeuble et surtout vous allez voir de quoi il est question, que l'oiseau a naturellement cette aisance-là de fendre l'air et s'envoler. Alors, quand Dieu dit qu'il n'aura pas donné un commandement qui puisse procurer, c'est ce que l'apôtre Paul développe justement dans ses écrits, que si Dieu leur eut procuré en lisant le livre des Hébreux chapitre 7, allons-y là-bas, Hébreux chapitre 7, regardons cela. Vous y êtes. Amen. Verset 11 et suivant. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement ainsi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu, donc aucun membre ne fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Ainsi tué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Voilà. Voilà, chapitre 8 maintenant, versets 7, 8 et 9. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié de voilà. Le Seigneur. Et donc maintenant, dans cette expression que l'apôtre Paul dit, en se référant au Seigneur, il dit, moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Quand il ne s'est pas soucié d'eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a livrés au culte de la main céleste. Et par conséquent, tu vois effectivement dans le livre d'Ézéchiel, partie du chapitre 8, chapitre 11 et autres, on va voir effectivement comment dans le temple, dans les lieux, justement le lieu saint se trouveraient tous les oiseaux impurs aux dieux, les sacrificateurs sataniques qui se trouvaient en lieu et place là-bas, adoraient le soleil, adoraient Tammuz et d'autres femmes qui pleuraient Tammuz. Et au point où le prophète Ézéchiel est venu là-bas et en voyant ce qu'il faisait en pleine journée, il faisait le culte de l'idolâtrie. Dieu les a livrés donc au culte de la main céleste parce que Dieu ne s'est pas soucié d'eux. D'accord, mon cher frère? Amen. Des questions? J'ai une question là. Je suis à votre service. Merci. Deuxième roi, chapitre 4, le premier verset là. Oui. Jusqu'à 3, hein, je peux un peu m'arrêter là. Oui. Le temps que les autres ouvrent. Ce qui m'intéresse. Oui, il faut les frères ouvrent d'abord, ouvrent déjà le deux rois pour prendre au courant, pour être au courant de ce qui est dit. Quel verset, maman Betty? Le deuxième roi, chapitre 4. Donc, verset 1 jusqu'à. Bon, je m'arrête d'abord dans le 1 là. Oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, oui. Bon, ce qui m'intéresse beaucoup, d'abord, je soutiens d'abord le mot créancier là. Maintenant. Allô, la sœur Bettine, tu nous entends? La connexion dérange de ce côté-là. La sœur Carole, essaie de parler, voyez, je ne sais pas si c'est elle ou c'est moi qui ai le problème. Tu m'entends, Carole? Oui. Alors, la sœur Bettine. Peut-être il y a la créance maintenant de la lumière. On a coupé la lumière chez eux ou quoi. Alors, la sœur Bettine. Voilà, vous voyez. Alors, en attendant qu'elle revienne, des questions. Ça va, ma sœur Carole? Oui. Oui, très j'ai une question. C'est qui la sœur José? Oui, frère. Oui. J'ai une question. Ok. Je ne sais pas, le, jusque-là, l'écran de notre frère Richard est toujours figé chez moi. Je ne sais pas s'il est encore connecté. Tu nous écoutes, frère? Ouais, je suis connecté. Je ne sais pas quoi. Peut-être moi, j'ai des problèmes de connexion ici. Mais sinon, je suis toujours connecté. Ok. Bon, je ne sais pas si pourquoi je fais le geste. Et tout. Eh bien, dans ce cas, clique sur ta caméra, ferme ta caméra et puis tu réouvres. Comme ça relance. Ok, d'accord. Alors, la sœur José, des questions, pose la question. Oui, frère. Bon, j'ai une voisine qui est très difficile, qui me provoque souvent, mais je ne comprends pas pourquoi elle me provoque. Oui. Donc, dans ma prière, j'ai été dirigée dans 2 Timothée. Oui. Dans 2 Timothée, le chapitre 2. Oui. À partir du verset 22. Oui. Jusqu'au verset 26. Oui. Maintenant, ma question est comment donc agir avec condescendance envers une personne qui, à chaque fois, qui veut toujours te mettre au toit, qui veut toujours te provoquer. Comment agir avec condescendance? Voilà. Très bien. Je crois que la sœur Bettine est de retour maintenant. On prend ta question, on va prendre ça en pause. Oui, la sœur Bettine, nous étions dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1, et tu parlais de créancier. Oui, c'est le mot créancier là qui me fait pour que je sache tous les détails de ça. Donc, en réalité, ce qui est là-bas, c'est que cette femme-là avait un mari. Et le mari n'avait pas d'argent. Il allait emprunter de l'argent quelque part pour faire ses activités. D'accord, ma sœur? Et là, celui chez qui il allait prendre cet argent-là, quand son mari est mort, c'est celui qu'on appelle créancier. Donc, un peu comme par exemple, vous irez prendre de l'argent dans la banque pour faire la dette. Et puis, si vous n'êtes pas là demain, la banque vient pour demander à votre famille que cette personne-ci qui a acheté ce bien, s'il avait pris l'argent chez nous. La banque est donc créancier, d'accord? Donc le créancier, c'est celui donc à qui vous avez prêté de l'argent ou bien prêté quelque chose et qui vient plus tard réclamer. Dans le cadre, si le mari était mort, il était question maintenant qu'on restitue la dette de ce monsieur, les choses que le monsieur a prêté, et il n'y avait rien à la maison. Et là, d'après la loi d'Israël, on devait vendre cette femme-là, vendre tous ses enfants, il devait être au service de ce monsieur. D'accord, ma soeur Betty. Donc, comme vous dites là, c'est comme une banque comme vous êtes en train de dire là. Oui. Ce n'est pas une personne en fait. Non, dans la Bible, il n'est pas question de la banque. Je suis en train de dire comme exemple, comme dans votre cas, dans vos cas là-bas, généralement les gens vivent dans les prêts bancaires. On fait des emprunts dans des banques, n'est-ce pas? Et au cas aussi, demain vous n'êtes pas là, la banque se doit de saisir. Si vous n'entrez pas dans le, vous ne respectez pas les clauses de la banque se doit de saisir tous vos avoirs par les moyens qu'ils ont mis sur place. Il n'y a pas plus grand bandit que le système bancaire. Les plus grands bandits du monde, c'est eux. Ils mettent tout et tout pour ton bidon. Donc en fait, dans le cadre de la Bible, si, pour le cas, si, c'était un homme. Peut-être un homme riche qui les gens parvenaient prêter de l'argent pour pouvoir aller faire des activités et puis venir rembourser par la suite. Et là, son mari est mort sans avoir remboursé la dette. D'accord, ma soeur. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. La soeur Marie-José. La soeur Marie-José. Oui, frère. Oui, frère. Oui, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui t'énerve le plus quand les gens sont autour de toi? Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Bon, c'est que maintenant, je suis accusée. Je ne sais pas, je suis des petits trucs. D'abord, m'accuser dans tout le centre ici, là, que c'est moi qui ai volé ses affaires et tout, jusqu'à aller voir même le chargé en bas pour dire qu'elle cherche ces choses, elle ne trouve pas. Et puis, parce que j'ai reçu de la visite, et nous sommes que deux là au compartiment, et elle ne trouve pas de choses. Donc, elle a fait tout un tas d'histoires avec ça. Oui. Et ce n'est pas la première fois. En matière d'accusation, quand on accuse, on se doit de prouver la culpabilité, n'est-ce pas? Oui. Donc, elle te cherche toujours les poules dans les poules sur la tête. Oui, c'est ça. Mais quand elle fait ça. Et dernièrement, elle m'a doigté. Dernièrement, elle m'a dit que toi, tu crois que tu es chrétienne et tout, et bavardé. Tu es rentré dans la chambre, tu as pleuré. Non. J'ai traversé des situations difficiles que ça. Mais c'est que dans mon sommeil, bon, je n'ai pas prêté attention au fait que le Seigneur me montrait cela. Elle m'a vraiment provoqué dans mon sommeil quand je me suis endormie. Et la façon dont j'ai réagi, quelques heures après, la même scène s'est passée. Quand elle m'a rejoint dans la cuisine, c'est après que je me suis rappelé de mon rêve. Sur le plan physique, ça s'est passé. Oui, sur le plan physique, sur le plan spirituel, elle est venue vers moi en me doigtant, mais sur le plan spirituel, je l'ai vraiment dominée. Donc, après, elle est venue à la cuisine, elle a commencé. C'était maintenant la réalité de mon rêve. Écoute très attentivement. Oui, après. Cette personne, ce qui t'attaque, elle n'est pas là juste là pour amusement. Ce n'est pas une personne d'échec, tout simplement comme tu entends. En dehors d'elle, il y a un autre esprit avec elle. Cette personne-ci. Donc, il y a des façons de traiter cela. Alors, le but du diable, lorsqu'il vient au travers des gens vers nous, c'est pour nous pousser à fauter devant le Seigneur. C'est ici donc qu'il faut apprendre ce que les Saintes Écritures disent à propos. D'accord? D'accord. Pour son cas particulièrement, après cet enseignement, je vais te montrer comment tu vas traiter avec elle, d'accord? D'accord. Et là, présentement, mon fils est entré même dans sa chambre là-bas, frère. Je ne sais pas comment le faire sortir de là parce que je... Mon fils est allé là-bas et puis les enfants sont terribles. Tu peux pas les interdire quelque chose. Oui, eux, ils n'ont pas de problème. 1 Pierre, ouvre le livre d'un Pierre. Ouvrons le livre d'un Pierre, ma chère soeur. 12 du chapitre 3 d'un Pierre d'abord. Verset 12 de 1 Pierre chapitre 3. Oui. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voilà. Donc ne t'inquiète pas pour ce qu'elle va faire, d'accord? Dieu regarde, il voit distinctement ce que tu fais et il voit ce qu'il en a fait, d'accord? Maintenant, on va au chapitre 2. Chapitre 2. verset 12 encore. Après, on va au verset 19. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même qui vous calomnie, comme s'il était des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience avec Dieu quand on souffre injustement. Voilà. Donc, ce que tu as à faire, c'est de vivre ta vie chrétienne. Ce n'est pas les païens qui définissent ce que c'est qu'un chrétien. Donc, même si tu as fait la faute, elle vient vers toi, tu dis que tu es chrétien, va comment tu te fais. Ce n'est pas elle qui connaît la définition du chrétien. Elle est disqualifiée pour dire ce qu'un chrétien doit faire ou une chrétienne doit faire. Aucun païen, aucune personne qui ne croit en la Bible n'est qualifiée pour pouvoir qualifier un chrétien ou bien le disqualifier. Donc, toutes ces paroles qui sortent par l'esprit mauvais, c'est également pour tester ta foi et pour te pousser à tirer contre Dieu et te remettre en cause et te pousser dans le doute. D'accord? D'accord, frère. Mm-hmm. Mais après cette réunion, je vais parler avec toi pour montrer comment traiter ce cas-là dans le silence. D'accord? C'est dans le silence. Ce n'est pas lui envoyer le feu. Hein? Il ne faut pas dire que tu vas lui envoyer le feu dans la minuit. Non. Voilà. D'accord, frère, j'ai compris ça. Mm-hmm. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Amen. Oui, frère Junior, j'ai une question. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Je voulais demander pourquoi le Seigneur. Ma question est dans Ésaïe 7. Oui. À partir du verset 10. Oui. Jusqu'à verset 14. 14, oui. Mm-hmm. Tu parles d'Acasia. Il est en... Voilà. Pourquoi il demande de demander un signe? Vous voulez demander les... Voilà, pourquoi c'est le verset 14. Oui. Parce que lui demande un signe à cette, pour les rois qui allaient les... Parce que le prophète Ésaïe avait dit qu'il demande un signe au Seigneur. Oui. Mais comme lui n'a pas demandé un signe, et le Seigneur lui a donné un signe qui est... Pourquoi les, voilà, je vais lire. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Mm. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Là, on parle de Jésus. Oui. C'est, la question, c'est quoi, ma soeur? J'attends la question. Si vous ne posez pas la question, c'est moi-même qui vais poser la question là-bas. Le frère Yannick est prêt à répondre. Alors, la sœur Rosalie nous entend. Je crois peut-être que la chaleur qui vit là-bas, sévit là-bas chez vous, a fondu son câble également. Elle a un problème de connexion, frère. Ah. Je crois qu'elle va nous revenir là maintenant. Allô, frère, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Je n'avais plus de connexion. Voilà, c'est ça ma question. Je me dis, à cette époque-là, il s'agissait des rois qui attaquaient le royaume de Judas. Mais pourquoi le Seigneur donne comme signe la naissance de Jésus-Christ? Qui est le prophète? Qui est Ésaïe? Allô, ma soeur, tu m'entends? Oui, mon frère, je t'entends. Il pose la question, qui est Ésaïe? C'est le prophète. Voilà. Quand c'est un prophète, ça suppose qu'il peut parler des choses qui concernent l'éternité à quelqu'un qui est physique. Donc, manifestement, le signe qu'il a donné à Casa là-bas, à Casa, ils ne verront jamais ce signe-là, physiquement. Mais lorsqu'il parle de « Voici l'Éternel vous donnera un signe », il ne s'adresse pas à Casa qui est devant lui, il s'adresse au peuple d'Israël qui seront là. Il sait qu'il parle par la suite. On va lire le livre d'Ésaïe. D'accord, ma soeur? Tu as suivi, ma soeur? Oh, c'est terrible. Des questions. Et le verset 13 dit, écoutez, la maison de David. Vous voyez comment il parle de la maison d'Israël. Là, mais n'est pas la maison d'Israël. Pourtant, au verset 10, il a dit que l'Éternel parla de nouveau à Akaza. Il dit, demande pour à ta faveur des signes. Que ce soit n'importe où, en haut, en bas, n'importe quoi, demande ton signe. Il n'a pas demandé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit maintenant au verset 13 que c'est ainsi par l'Éternel, c'est à la maison d'Israël, à la maison de David qui s'adresse maintenant. Des questions. La sœur, elle est revenue, là, la sœur Rosalie. Dans ce même passage, lorsqu'il dit au verset 16, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu tiens les deux rois sera abandonné. Exactement. Que veut-il concrètement dire par là? Bonne question. Le frère Yannick, allons-y, répond. Attendez, il faut sa Bible, ouais. Non, j'ai déjà trouvé le verset là, je réfléchis vraiment de quoi il est question là. Mais le frère Camden, on dit qu'il est là, alors je ne le vois pas du tout. Alors le frère Yassine, la question est posée par le frère Benjamin. En attendant que le frère c'est terrible ici. La connexion vous votre cœur s'en dérange aussi comme au Cameroun là. Le verset 16 dit, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous m'entendez, frère? Oui, frère, on t'entend. Amen, voilà. Le frère Siri est là, le frère Siri peut bien nous expliquer cela, étant serviteur de Dieu. Il y a plusieurs Siri dans le groupe, Siri, c'est comment? Le frère Siri qui en est de parler exactement. Je n'ai pas. En fait, la question c'est laquelle concrètement? Parce que. Ce n'est que le passage qui a été lu là. La question c'est laquelle concrètement? Frère Benjenit, on te pose la question. De quoi est-il vraiment en train de parler dans ce verset 16 là? De quoi est-il en train de parler dans ce verset 16? C'est-à-dire dans Esaïe 7, le verset 16 là, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu veux, le roi sera abandonné. Alors, le frère Siri, il a maintenant eu la question. Il faut que je m'imprime du contexte parce que je. Voilà, le temps que le frère s'imprime du contexte, nous disons bonsoir à la sœur Francine qui vient d'arriver et nous rejoindre. Maintenant. Bonsoir et bienvenue. Elle a fermé son micro également. Alors, retenez donc ici dans ce passage. Bon, de toute façon. Shalom. Oui. Waouh, Seigneur. Je dis qu'il y a le téléphone ici, c'est pas évident. Allez, bonsoir. Bonsoir. Retard, j'ai oublié ma clé. J'étais avec les frères partagés. Je suis à rue comme ça, je vous écoute. Tu nous entends très, très bien. Oui, je vous entends, je suis au téléphone, je vous entends très bien. Ok, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il une contribution? Qu'est-ce qu'on a dit dans le verset 16 du chapitre 17 d'Esaïe? Chapitre 16, verset 17, je le lis et puis je vous reviens, s'il vous plaît. Oui, le temps que tu t'imprègnes également, c'est que ça s'imprègne en toi. Amen. Des questions? Vous voyez, lorsqu'on parle dans le livre des prophètes, c'est là où il faut faire attention. C'est ici le mur. Et on marche sur les télé, quoi, la route en pierre. Ici, il faut faire attention. Sinon, les pieds, on va cogner les orteils. Personne ne veut parler ici, quoi qu'ils sont fatigués. Quand le Marocain est en train de travailler là. Esaïe 16, verset 16. Voilà, elle est allée s'imprégner de d'autres versets. Esaïe, je peux dire 7, verset 16. Esaïe, il ne faut pas parler. Je crois que quelqu'un d'autre va lui dire la chose là, vous êtes proche là-bas. Esaïe 7, verset 16. Ok, merci. Oui, imprègne-toi bien, même vous savez, que ça t'imprègne dans toi, comme le torchon pour imprégner dans l'eau. Amen. Le frère Richard, comment va la maison, madame et les enfants? Les pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. Bon, après, moi je dirais que le verset en lui-même parle de Jésus d'abord, premièrement. Et si on se rend compte, on va se rendre compte que quand Jésus est né, il y a Héros qui peut l'avoir voulu à sa mort. Parce que quand les rois sont venus pour annoncer la naissance du roi de Juifs, il y a d'abord le roi Hérode qui a voulu le tuer. Et deuxièmement, je pense que c'était qui encore là? Le deuxième roi, c'était qui là? Il y a un deuxième roi qui est là. Je ne me rappelle plus son nom. Si vous me confiez. Amen. Bon, dans le verset 16, quel est le pays que craint le roi Akaz? La Syrie. C'est pas les Romains par hasard. Donc ça veut dire que c'est les Romains, c'est les Romains qui sont venus contre Akaz alors. Le verset 1 dit quoi, ma soeur? Le règne d'Azar, fils de Yotan et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, roi de Syrie, s'est mis en campagne avec Pekah, fils de Remania, roi d'Israël, pour faire la guerre à Jérusalem. Oui, verset 2. Oui. Quand on a appris à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, le roi était du chef. En furent secoués comme les feuillages des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Voilà, donc en clair, c'est deux dont la ville. Parce que le prophète parle ici que le pays dont tu crains le roi, c'est ce qui est écrit là-bas, non? Le pays dont tu crains, les deux rois sera abandonné, c'est ça, non? Exactement. Alors, est-ce qu'on parle de Rome ici? Est-ce que Rome est encore elle-même déjà sortie ici? À cette période-là, non, mais il y avait c'est vrai que à l'époque là, peut-être le roi de, bon, ils ont dit, c'est pas moi, roi de Juda, c'est pas moi. Ouais. Ils ont dit roi de Juda, mais je dirais plutôt, moi j'aurais plutôt pensé à Babylone, soit Rome. Alors maintenant, on dit clairement que c'est le pays dont tu crains les deux rois. Et là, on s'adresse à Akaz. Et le premier volet dit avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Tu parlais de quel enfant déjà? Je parlais de Christ. Mais est-ce que dans ce passage, si on parle de Christ Jésus? Je dirais oui. Parce que quand je lis le 14, on dit c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Oui. Voici la vie. Sera enceinte et elle apprendra un enfant. Oui. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui. Dieu est avec nous. Oui. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant prenne le don, il s'agit puisque c'est dans le même verset, ça veut dire qu'il s'agit forcément de vraiment, la hein? fin du Christ. Donc ça veut dire que comme c'est dans le même verset, c'est de lui dont on parle. Oui, bon, vraiment logique, bien sûr. Ah, c'est vraiment logique ça. Que le Seigneur te bénisse. Continuez comme ça. Alors. C'est pas la moquerie, frère. Non, c'est justement pour dire que c'est vraiment ça, peut-être, comme tu dis là. Que c'est une logique. Donc, ça veut dire que Jésus pouvait choisir le mal, quoi. Il avait le mal en lui. Non, il y a l'âge pour choisir le mal et le bien. Quand on dit apprendre à rejeter le mal et à choisir le bien, ça veut dire qu'on a en train de situer l'enfant dans un certain âge. Parce qu'il y a l'âge de l'innocence, il y a l'âge où l'enfant passe cœur conscient du bien. Il y avait une possibilité que Jésus-Christ fasse le mal même dans la naissance? Portait-il la semence du péché héréditaire? Moi, je dis qu'il était dans la chair, c'était d'avoir un être normal, ça veut dire qu'il était soumis au même principe que nous. Parce que la parole dit quelque part, il a été testé à toutes choses, il a été tenté à toutes choses, mais il a vaincu à toutes les épreuves. Ça veut dire que tout ce que nous avons traversé, forcément, il l'a traversé. Mais maintenant, il était juif. Ça, non, ma soeur, humain il est, assujetti aux aléas de la vie il est, mais le problème du péché est spirituel. La question que je pose c'est, est-ce qu'il était assujetti, ou mieux, est-ce qu'il avait la loi du péché habitant en lui comme tous les êtres humains sur la terre? Donc maintenant, retenez donc que dans cet enseignement-ci, au verset 14, on parle du Christ Jésus, du verset 15 et 16, il ne s'agit plus de lui. On parle ici de l'âge, de la tranche d'âge pour pouvoir situer une prophétie. Parce qu'il ne peut pas choisir le mal et le bien. D'accord, frère? Ok, amen. Voilà, donc ici, comme tu as dit dans tes propos, là, justement, on a de situer par rapport à l'âge de l'enfant pour donner une durée à la période de la prophétie dont il est sorti. C'est-à-dire, on a de vouloir donner la durée d'une prophétie. Mais la question, c'est pourquoi Dieu ne dit pas, par exemple, dans 7 ans, le roi que tu vois là, mais il commence à parler plutôt d'un enfant et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il veut nous embrouiller? Parce que cette prophétie a deux volets. Le volet sur le plan matériel qui sera manifesté devant Akaz et quelque chose qui concerne le moment de rachat du péché où le pays de la Syrie sera racheté. Voilà. Le frère Siri, il est arabe, est-ce qu'il t'a imprégné? Oui, je me suis imprégné, bien sûr, oui, bien sûr. Réveillons-nous là maintenant. Tu as imbibé le coton, qu'est-ce que ça dit? Ah, ça dit que c'est que tu t'en as dit là qu'il faut continuer comme ça, quoi. Je pense que c'est ça. Tu es trop fort. Des questions? Oh, s'il n'y a pas de questions, prenons un sujet maintenant. Et quoi que. Si vous le voulez bien. Allons-y. Est-ce qu'on peut prendre un sujet maintenant, frère, pour travailler? Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on travaille sur le thème nettoyer sa maison. On y va, frère. Ouvrons le livre d'Osée au chapitre 12. Nous allons commencer par là. C'est d'accord, frère. Notez aussi Michée chapitre 6 et 7. Michée chapitre 6 et 7. Et je ne sais pas si la sœur La sœur Rosalie est venue, est revenue. Elle n'est pas encore revenue. Il y a des bruits chez quelqu'un là, les enfants sont en train de jouer au PlayStation là chez quelqu'un. La soeur José, viens fermer ton micro, comme ça les enfants ne feront pas de bruit là. Mon micro est fermé, frère, c'est pas chez moi. Ok. Michée chapitre 6 et chapitre 7, Amos chapitre 5. Amos le chapitre 5. Amos chapitre 5. Osée chapitre 6 verset 6. Vous y êtes? Malachie chapitre 1. La sœur Albertine est encore là. Je suis là. Voilà. Donc nous allons voir le sujet nettoyer sa maison. Il faut qu'on nettoie notre maison. Nettoyer la maison de quoi? Nous allons découvrir dans les Saintes Écritures. Nettoyer notre maison de quoi? Nous allons découvrir donc dans les Saintes Écritures, dans la parole. D'accord? Amen. Voilà. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus va entrer dans le livre de... Si nous lisons le livre de Matthieu, au chapitre 21 et chapitre 22, il va entrer à Jérusalem. Bon, permettez-moi de vous montrer quelque chose là et on continue. Je crois que ça va comme ça. Vous y êtes? Amen. Voilà. Vous allez voir mon écran, n'est-ce pas? Non, frère. Ok, je crois que ça va venir. Vous y êtes? Je n'ai pas le tout. Alors, si quelqu'un voit, vous voyez mon curseur, n'est-ce pas? Est-ce que les Allemands sont en train de voir? Oui, on voit le frère. Oui, décrivez ce que vous voyez. On voit une... En fait, ça c'est un déo en fait. Oui. Un déo avec balayage. Un quoi, mon frère? Un déodorant. Un déodorant, voilà. Oui, balayage, je crois que c'est une marque de DM justement. Oui. Et dessus, on voit une sirène. Oui. Avec beaucoup de cheveux. Oui. Bon, il y a aussi des étoiles de mer, en fait, qui sont là depuis. Bon, il y a une inscription. Oui. Never stop dreaming. Never stop dreaming. Let's be magical. C'est-à-dire quoi, bon, frère? Je ne suis pas très doué en anglais, c'est parce que quelqu'un peut m'aider là. C'est-à-dire quoi, la sœur Carole? Non, soyons magiques, n'est-ce pas? Et vous voyez comment il fait un clin d'œil à Guy Yannick, n'est-ce pas? Comment vous avez vu, non? Et là, vous voyez effectivement que ses pieds passent au-delà des baléas à l'intérieur là-bas pour sortir là-bas sous forme de queue de poisson. Vous y êtes? Amen. Et qu'est-ce que vous voyez là? C'est-à-dire quoi? Ocean, la sirène des eaux. La sirène des eaux. Et on vend cela, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on vend. Donc je crois que ça se trouve de nager. Je vous ai envoyé ça sur le forum pour que vous ayez le temps d'observer et de voir ce qu'il en est. Voilà. Maintenant, vous avez quelque chose comme ça avec vous à la maison. Vous allez au marché, vous achetez avec votre argent quelque chose que les sirènes ont inspiré. Il dit « Never stop dreaming. Let's be magical. » Vous pulvérisez sur vous, commencez à avoir des visions. Vous voyez que vous avez besoin, nous avons besoin de contrôler tout ce que nous achetons, n'est-ce pas, frère? C'est si vous pulvérisez sur vous, vous allez commencer avec les visions. Et vous allez commencer à avoir les visions bientôt, vous allez commencer à nager avec les eaux. Un de ces jours, il vous envoie une femme, une fille, vous allez voir comme si c'est une fille naturelle, alors que ce sont des filles qui sont venues des eaux. Ils peuvent prendre les formes humaines pour se manifester. Et puis là, vous pouvez tomber, si vous êtes un homme, vous pouvez tomber amoureux. Enfin, ils peuvent prendre toutes les formes, homme comme femme. Et puis, vous tombez dans ces choses à cause du fait que vous avez utilisé ces choses-ci. Nous avons besoin de nettoyer notre maison. Le nettoyage de notre maison va commencer à l'intérieur pour arriver à l'extérieur. Nous allons parler de ces deux façons maintenant, de ces deux formes-là maintenant, le nettoyage de notre maison. Première chose à nettoyer dans notre maison, nous devrons balayer tout esprit impur de notre corps et leur support. Nous allons balayer, nous devrons balayer de notre corps et de notre cœur tout esprit impur et leur support. Et surtout leur support, parce que les choses qui leur donnent le support, les choses qui leur donnent le droit d'être à l'intérieur de nous, nous devrons les enlever. Ces choses sont la cupidité, la malice, la colère, les animosités. Vous voyez, enfin, mon grand frère l'a décrit dans les Saintes Écritures. Lorsqu'il a parlé de la colère, il a parlé qu'on ne donne pas accès au diable. Vous voyez cela? Qu'on ne donne pas accès au diable. Les choses qui lui donnent accès à l'intérieur. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on nettoie l'intérieur pour que ça ne donne pas accès. Regardez dans le cadre, parce que nous, quand nous posons les questions tout à l'heure, quand le frère Benjamin posait les questions dans le livre d'Ézéchiel, j'ai parlé du livre d'Ésaïe au chapitre 8. Lorsque vous prenez votre lecture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, chapitre 9, 10 et 11, vous voyez effectivement que Dieu décrit le temple où ça devait être la gloire de Dieu qui y était. On décrit les figures, les oiseaux impurs qui sont dessinés au mur. Et Dieu dit, fils de l'homme, vois-tu les grandes abominations qui font en ces lieux-ci afin d'empêcher ma gloire d'être en ces lieux? Donc vous voyez effectivement que quand ces choses-là ils sont, la présence de Dieu ne peut pas être là. Donc il faut le nettoyer parce qu'il ne partage pas sa gloire avec personne. Je ne sais pas si vous m'entendez. T'entends pas. La soeur Albertine, tu m'entends? Quoi que la connaissance est bonne de ton côté également. Tu m'entends, n'est-ce pas? Je crois que du côté de... Lorsque nous grandissons, lorsque nous grandissons, nous héritons des choses. Il y a des choses en nous que nous avons héritées. Comme la Bible appelle cela, les 20 façons que nous avons hérité de nos pères de vivre, les 20 manières. Cette 20 manières de vivre de nos pères, il y a beaucoup d'héritages que nous avons eu, nous avons accoutumé. Vous voyez par exemple une femme aujourd'hui porte un bébé. Quand l'enfant fait, cette femme va dire qu'enlever un fil sur la serviette de l'enfant et mettre sur sa tête. Vous lui posez la question, qu'est-ce que le fil qu'on enlève sur la serviette a à voir avec le rôle que l'enfant a en train de faire? La personne va rire. Pourquoi? Parce que dès qu'il était petit, on faisait ça. On a vu les parents faire comme ça. Vous entendez des gens, ils disent, quand vous voulez dormir, alors renversez les chaises qui sont dans le salon, il faut renverser. Pourquoi? Parce qu'ils disent, parce que des visiteurs peuvent venir s'asseoir dans la nuit pour faire la réunion. Vous lui posez la question. Ok, si tu renverses, donc s'il doit faire la réunion, il ne peut pas le renverser pour voir, est-ce qu'il ne faut pas soulever la chaise, s'asseoir pour faire la réunion? D'autres personnes ne balaient pas carrément la nuit, n'est-ce pas la sœur Francine? D'autres personnes ne balaient pas la nuit. Ils disent, dans notre tradition, on ne balait pas la nuit. L'autre dit, non. Quand tu balais le pied, si tu balais le pied de quelqu'un, le balai, fois sur le balai. Il dit, on aura tout entendu ici. D'autres mangent avec le bâton de manioc qui sont emballés. Quand vous finissez de manger, il faut pas les attacher parce que vous attachez. On dit non. Dans notre tradition, si vous attachez comme ça, c'est votre vie que vous en êtes l'attacher. D'autres encore, lorsqu'ils achètent les bananes, il faut pas qu'ils jettent des bananes, il faut pas qu'ils jettent des bananes sans avoir coupé la colonne de la banane, là où la banane se greffe. On dit non, il faut fendre cela en deux. D'autres encore disent non, non, non, les femmes enceintes ne mangent pas les œufs, sinon l'enfant va sortir, sera voleur. Non, il faut pas manger le singe, c'est que l'enfant va trop sautiller. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses, que les vaines manières que nous avons héritées de notre père. Ces choses-là. On dit non, les femmes enceintes ne mangent pas le tigre. Il ne faut pas qu'elles mangent la panthère. C'est que l'enfant sera tacheté. Alors, frère Siri, as-tu entendu cette tradition en milieu, dans vos traditions également? Ou mieux, si vous avez quelques traditions comme ça, essayez de nous dire aussi. Oui, il y en a quelques-unes, quoi. Oui. C'est dont tu as parlé là aussi également. Lorsque tu as assis, quelqu'un creuse ton pied. Oui. On dit que c'est un signe de marche, il faut qu'il recraverse pour annuler le sort, quoi. Oui. Alors, il y a des choses comme ça, quoi. La sœur Abettino au Gabon, quelles sont les traditions que tu as observées et que la Bible les appelle vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères? Allô? Oui. Allô? Oui, ma sœur. Tu disais comment? Quelles sont les traditions que vous avez au Gabon, que tu connais que c'est une tradition et que les gens ont hérité comme ça sans s'en rendre compte? Je ne peux pas me souvenir. Bon, quand tu étais au Gabon, est-ce que tu partais au champ au moins? Pas d'oxygène? Non. Ok, comme tu partais? Non. Comme tu partais pas au champ? Non. Ok, tu partais? Je partais. Tu faisais quoi, ma soeur? Moi, je ne partais pas au champ. Ok, bon. Laisse-moi poser la question à une des personnes qui partait au champ. La soeur Francine, tu partais au champ ou bien la soeur Carole? Alors, vous partez souvent. Ok, dis-nous, quand vous partez au champ souvent avec la nourriture, dans le repas, dans les boîtes, quand vous mangez, vous faites quoi? Bon, pour l'eau d'abord, avant de boire l'eau, on doit verser d'abord au sol pour donner pour les ancêtres. Vous-même vous entendez, n'est-ce pas? Je connais mes gens. Le frère Kémon, il est allé regarder comme ça. Quand il est allé regarder comme ça. Alors, raconte-nous, frère. Bon, je sais juste que quand j'ai célébré mon mariage, il y a un de mes beaux qui est arrivé à la maison. Il y a une petite qui balayait, je crois, la maison. Oui. Elle balayait, je ne sais pas trop si elle balayait en entrant ou il fallait. Je ne me rappelle plus de quelle manière elle balayait. Bon, le frère a fait ce. Ce beau lui a demandé, non, il ne faut pas balayer parce que ça enlève la richesse du couple, au fait. Mais quand il a dit comme ça, tu as dit que ne balaye pas, n'enlève pas ma richesse, n'est-ce pas, frère? Bah, je n'étais même pas avec eux, au fait. J'ai juste suivi. Bon, moi, j'ai rien de l'autre côté. Merci beaucoup pour ton témoignage. La soeur Francine, dis-nous, quand tu versais comme ça, les ancêtres boivent l'eau. La quantité que tu bois sur là, c'est ça qu'ils boivent? Et le champ, et dans le champ, il y a le cours d'eau. Vous versez quand même une petite goutte au sol. Donc, ça veut dire, si on a besoin de boire l'eau, ils vont attendre jusqu'à ce que le jour tu viens au champ pour lui donner un peu d'eau à boire. Vous-même, vous voyez que nous sommes attachés avec des choses terribles, n'est-ce pas? Mais le vrai problème, c'est que dans cette tradition-là, il y a des choses qui sont. Quand vous enfreignez cela, ça joue contre vous. Donc, en réalité, les esprits qui sont calés, qui sont derrière. Le frère Richard, as-tu autre témoignage aussi dans ta tradition? Dans ta tradition, oui. Oui, mais j'en ai aussi connu d'autres. Dans ma tradition, pas tellement. Oui. Parce que j'en ai quelques-unes. Mais je connais quand même que chez les Polonais, ils ne se saluent pas devant la porte. C'est-à-dire que si tu veux dire au revoir, oui. Et que l'un est à l'intérieur de la maison, oui. Et l'autre est à l'extérieur, oui. Vous n'allez pas vous saluer. Il faut que celui qui est à l'intérieur retourne d'abord, celui qui est à l'extérieur retourne d'abord à l'intérieur de la maison, oui. Ou celui qui est à l'intérieur de la maison soit à l'extérieur afin de vous saluer. Donc vous devez être dans la même région, soit à l'intérieur totalement, soit à l'extérieur totalement. Oui, vous devez être dans la même position. Oui. Si vous êtes dans la maison. Oui. Vous ne pouvez pas vous séparer au niveau de la porte, vous saluez. Vous devez être soit les deux à l'intérieur, soit les deux à l'extérieur. Et ça, pas au niveau de la porte. Ça, c'est en Pologne, ça. Ça, c'est en Pologne. Donc même les blancs aussi, les traditions ne les laissent pas. Voilà. Et ils justifient ça comment? Comment ils sont venus à cela? Oh, je sais pas. Peut-être vous n'allez plus vous revoir. Je sais pas. J'ai pas beaucoup demander par rapport à ça. Je ne sais pas trop le pourquoi. Et s'ils font comme ça trois fois par jour, ils vont faire la même chose. Si quelqu'un vient chez toi, tu dois leur dire au revoir. Ça sera toujours la même façon. Ouais, il faut que tu rentres de toutes les façons. Il faut que tu rentres. C'est comme quand tu as une fiancée, tu ne lui offres pas la montre. Oui. C'est-à-dire que si tu as une fiancée avant le mariage, il ne faut pas lui offrir la montre. Ou bien le jour du mariage, ne lui offre pas la montre parce que votre mariage sera limité, quoi. Oui. Ça sera pour un temps. Oui. Les trucs, on ne donne pas la montre en tout cas. Yes. Yes, oh, la Pologne. Yes. La sœur Carole. Dis-nous, quand tu partais au chantier, de tu lancer la nourriture à gauche dans les quatre points cardinaux, c'est comment alors? En fait, mes parents me demandaient toujours de le faire, mais je ne le faisais pas. J'étais têtu par rapport à ça, en fait. Parce que moi, je leur demandais, mais ça, ce sont des histoires, vous croyez en quoi? Tu étais un rebelle de la tradition, quoi? Oui, je l'ai toujours été. Vraiment toujours été. Oui, mais maintenant, après quand on mange les bâtons de manioc, là, on te dit n'attache pas parce que c'est ton destin que tu es en train d'attacher et tout. Donc, Dieu a mis pas les jambes parce que c'est la malchance. Donc, Dieu a mis le destin. Dieu a mis le destin des gens dans le bâton de manioc, alors, dans le feu de manioc. c'est des croyances terribles. La nuit, je ne sais pas rentrer dans la maison. Comment on sait? Il dit qu'il y avait un autre. C'est que si tu siffles dans la nuit, le serpent va entrer dans la maison. Et quand tu as sifflé, d'autres encore plus grave, encore au milieu chrétien, c'est que si tu tapes l'histoire de la Bible, tu vas devenir fou. Ou bien tu tapes ça 7 fois sur la tête, quelqu'un va devenir fou, pas vrai? Alors, je pose la question, d'où viennent toutes ces superstitions-là? En fait, moi, je pense que c'est les esprits impurs. C'est les esprits impurs, c'est soi-même peut-être les propres sorciers de la famille. Parce que quand ils disent, ils insistent que tu fasses quelque chose et ils te disent que si tu ne le fais pas, tu auras ci, tu auras ça. C'est les mêmes sorciers qui viennent faire tout ça. D'autres aussi, même dans lors des cérémonies de mariage, cassent des colas, prennent des vins de palme, versent au sol et parlent aux ancêtres. C'est normal. Est-ce que c'est normal? En fait, frère, c'est quand tu es dans les écritures que tu te rends compte que ce n'est pas normal. C'est là que tu te rends compte que c'est pas normal, mais quand tu n'es pas dans les écritures, c'est pas facile que tu comprennes ça. Tu te dis, bon, c'est la tradition, on a toujours fait ça pour un mariage ou bien même le veuvage. On emmène la veuve dans d'autres, on les amène dans la brousse, d'autres on dit qu'il va falloir forcément que le petit frère couche avec son épouse. Non, de toute façon, moi je leur avais dit cache que je ne fais pas ça. Je vois, là, on m'attend là-bas. Déjà que tu n'as même pas jamais voulu nourrir les ancêtres, c'est pas l'autre là que tu vas obéir, n'est-ce pas ma soeur? Alors, la soeur, le frère Yassine, as-tu aussi des témoignages dans ce sens-là, dans les traditions, votre tradition aussi? Oui, tu viens de soulever un thème, par exemple, comme tu as dit, la cola et tout ce genre de trucs. Moi, je crois particulièrement que ce sont des trucs qui étaient à l'origine certainement anodins, mais derrière ce genre de choses, se sont cachés des démons. Et il faut bien aussi les dire, il faut pas l'ignorer. Nous qui sommes en Christ, ce sont des choses où on a une certaine protection par rapport. Moi, je vais prendre un exemple par rapport à moi-même. Je me souviens quand je suis allé me marier à l'époque au Cameroun. Et ce sont des trucs qu'on nous a demandé de faire, manger la cola, prendre le vin et tout le reste. Et bien, on a refusé de le faire. Et je ne m'en prends pas jusqu'à présent, je me pose la question. De même, je crois, 2 jours après, j'ai quitté notre Douala pour rentrer chez Yaoundé. Et vraiment, sans le mentir, subitement, la route a disparu devant moi. Je suis entré dans un ravin où tout en jeu. Qui entrait dans ce ravin aurait fait tonneau, serait tombé, tout le monde serait mort. Oui. Mais je suis entré dans un ravin et je suis ressorti. Si ce n'était pas que je savais que la puissance de Dieu agissant, c'est qu'aujourd'hui je suis parti faire ça pour dire que vraiment, voilà les ancêtres qui me cherchent. Et une femme, lors du mariage, l'a dit. Une femme, lors du mariage, l'a dit, c'est que vous faites là, vous allez voir. Oui. Elle a dit. Donc, c'est pour dire que ce sont des trucs où il y a des démons, effectivement, qui sont derrière. Mais si tu as la grâce du Seigneur, ce n'est que la grâce du Seigneur qui peut t'épargner de ces choses. Parce qu'il faut bien qu'ils fassent peur aux autres. Les ancêtres en voulaient à toi, ils voulaient ta peau, quoi. ce ne sont pas les ancêtres, ce sont les démons. Voilà. En fait, les gens de la famille ne savent pas que ce sont les démons en fait, qui se cachent derrière ces choses. Redis ça bien, frère, mon frère, pour que tous les africanistes puissent entendre cela. Donc, derrière ce qu'on appelle les traditions, dans ce trou, dans les démons, tu le dis. Non, non, ce sont des démons en fait. Mm. Ce sont des démons clairement. Mm. Parce que mon grand-père peut m'en vouloir du mal, même s'il existait, où Dieu soit. Oui. Mm. Donc, ce sont des démons qui obligent nos parents à faire un certain culte et nos parents croient que ce sont leurs aïeux. Mm-hmm. Ou nos parents croient que ce sont nos grands-pères, tout ça. Alors qu'ils n'en est rien. Ce ne sont pas nos grands-pères, ce ne sont pas nos parents. Ce sont des démons qui se mettent derrière la peau de nos parents pour nous obliger à les adorer. Maintenant, et chaque fois que... Oui. Je prends le cas d'un père qui nous écoute maintenant. Il peut dire que tais-toi, pauvre enfant que le blanc a lavé le cerveau. Tu as quitté ta tradition. Nous avons notre Dieu ici. Tu es allé, les blancs ont lavé ton cerveau. Tu suis la tradition des blancs. Qu'est-ce que tu en dis? Très bonne analyse. Parce que cette conversation, je l'ai eu avec mon grand-père. Mm. Il m'a dit la même chose. Je lui ai posé la question que lui qui parle là, il sait que les traditions là viennent d'où. Mm. Il a commencé à m'expliquer un tas de choses que non, à l'époque, quand nos parents faisaient un contrat, on pouvait couper, comme il n'y avait pas le papier pour écrire, on pouvait couper un arbre et cet arbre-là, on le tranche en deux, on donne une partie à la, on donne une partie à une personne et l'autre partie, ce qui faisait que c'est ça votre contrat en fait, parce qu'il n'y avait pas le papier. Mm. Donc ça, c'était une manière de faire contrat. Il dit, moi, j'ai dit pour ça mon grand-père, mais... Et il me dit que juste pour la simple raison que les deux arbres-là, on ne pourra plus les recoller ensemble. Mm-hmm. Donc ça, c'était même de faire un contrat comme ça à l'époque. Mm. Il a dit que, mais est-ce que toi qui sors une parole de ta bouche, tu peux la remettre dans ta bouche? C'est un contrat, puisque tu ne peux pas, aspirer la parole. Aspirer la parole. Aspirer la parole. Donc c'est une forme de contrat, une parole qui est sortie de ta bouche. Il a cherché à tourner. Et je lui ai dit que, bon, maintenant, comment il explique si lui dit que c'est quelque chose, puisqu'il m'a dit que, on a la liberté de le faire. Tu peux choisir le faire ou de ne pas le faire. Il dit que, bon, ok, comment tu expliques quelqu'un qui ne le fait pas? Exactement, il y a des choses qui arrivent jusqu'à ce que vous-même vous dites qu'il faut rentrer au village et faire ces choses. Oui. Est-ce que ton grand-père ou ton arrière-grand-père peut t'en vouloir du mal pour ta? Il n'a pas été capable de me répondre. Donc, ce ne sont que des démons auxquels on est attaché et que je ne peux qu'encourager les gens à continuer comme ça. Sauf si ils peuvent venir se mettre devant la grâce du Seigneur pour être sous le joug. Parce que si en effet tu ne le fais pas, des choses vont t'arriver. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas soumis au Seigneur Jésus-Christ, il a intérêt à faire cela avant que les démons là les laissent tranquilles. Il a intérêt à faire parce qu'il n'a pas de couverture. Justement. Il n'a pas de couverture. Mmh. Il n'a pas de couverture. Donc c'est un peu ça. Oui, ma soeur Carole. Et en plus de cela, même dans les familles, il y a des parents qui sont vraiment ignorants. Mmh. Mais dans la famille, même quand vous êtes assis là, il y a les vrais sorciers au milieu qui savent exactement qu'ils sont en train de servir le diable. Mais justement, ils manipulent les autres parce que les autres n'ont aucune protection. Ils peuvent les manipuler justement. Et en plus de cela, ils ont fait ça pendant des générations et des générations. Et on dit qu'on a trouvé cela et ça a été toujours comme ça. Là. Tu veux aujourd'hui venir pour changer quoi? Et le pire dans la chose, si vous me permettez encore, pire dans la chose, c'est quoi? Le pire dans la chose, c'est que ces démons, effectivement, ont donné des dons à certaines personnes qui font que certaines choses se réalisent. Oui. Et c'est pour cela que les gens ne savent pas que Satan aussi a la capacité de faire des miracles. Oui. Et ils n'ont pas le discernement, savoir discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient du démon. Oui. Et c'est ça le plus grand problème. Et c'est pourquoi ils persistent dans ces... Dans ce culte au démon. Oui. Ouais. Le frère, c'est... Moi aussi, je voulais... Ah, toi, tu étais là au chant, Déa? Non, pas le chant. Oui, dis-nous. Non. Moi, je voulais seulement aussi dire quelque chose là. À peine la maman m'a demandé aussi ça. Ça peut faire le moins. Donc, elle disait, elle, c'est pas le côté pour les chants. Elle disait, pour l'histoire de mort là, que parce que mon frère est mort, ça, c'est en juin. Oui. Je lui ai rêvé, il a dit que il n'est pas arrivé devant que. que tu fais le culte ici pour qu'il puisse aller devant. Il n'est pas arrivé devant, il pleure parce après, il n'est pas arrivé qu'on avait qu'à lui faire. Vous appelez ça comment? Aidez-moi. Les actions de grâce. Si c'est le, je ne sais pas si c'est le retrait de Dieu, je ne sais pas. Les funérailles. Et puis ma mère, c'est maintenant qu'on va aller lui faire quoi sur la tombe. Oui. J'ai dit quelle tombe? Mes frères, je ne l'ai pas laissé. Je te dis la vérité. J'ai dit quelle tombe? On vous dit que quand on est là maintenant, comme toi et moi, on est là maintenant. Mm. On dit d'abandonner tout ce qui est mauvais. Mm. Tu vas aller maintenant parler sur quelle tombe? J'ai dit que tout ça là, Dieu ne connaît pas ça. Dieu merci quand je la parle, elle comprend. Mm. J'ai dit que si tu fais ça toi-même là-bas, mm. ne me dis pas que je ne suis pas Dieu. Mm. Ça, l'affaire là ne finit pas comme je vous dis là. Vous riez là. C'est mon thème de maintenant. Mmh. Après, ma grande soeur aussi a fait les enfants avec un monsieur là. Alors, sa grande fille est morte. Et maintenant, on dit, ma grande soeur m'a dit au téléphone, oui, et ma soeur, vraiment, on va aller faire le retrait de deuil. Le papa de ma fille et puis sa fille, on mélange ça. Mmh. J'ai dit, ma soeur, et c'est la vérité ce que je vous dis là. Hein. Ma fille m'a tout dit parce que quand sa fille était morte, je n'étais pas. Et elle va haïr vraiment sa propre fille. Ma fille m'a dit ça. Je ne parle pas ce que je n'ai pas. Qui n'était pas vrai. Mm-hmm. Dire vraiment que qui tu parles à nos yeux. J'ai dit que vous l'aviez d'abord aimé de son vivant. Une personne n'a pas d'abord accepté Christ. C'est quand vous allez aller lui donner la vie. J'ai dit si tu pars. Ne me dis pas, parce que leurs choses, quand ils font le retrait de deux, quoi, ils vont chercher encore qui ils vont donner la tête. Parce que toutes les choses, c'est signé un contrat non fini. Mais ça n'a pas aussi duré. L'enfant, donc, toujours, et c'est le petit-fils maintenant. Et je dis, je t'appelle, tu ne réponds pas. Mmh. Il dit, oui, parce que je suis en train de vouloir faire, si c'est quoi, parce qu'on va faire le retrait de ma mère et puis mon grand-père, avec un. J'ai dit que ne dis pas que je n'étais pas Dieu. Si toi-même tu parles et qu'on te prend la tête, mon fils, petit-fils, ne dis pas que je n'étais pas Dieu avec ta grand-mère. Vous, s'ils avaient l'argent, comme tu n'en prends pas là, pourquoi l'argent là, ils ne prennent pas, ils te payent les coûts. Dans ce niveau que nous sommes. C'est ça que je voulais partager avec vous. Mm. Que ça ne laisse pas bon. D'autres choses ne peuvent pas souvenir. Comme je ne suis pas, je n'étais pas au village, mm. je suis né à Libreville centre et on a grandi à Libreville. Donc, à moins s'il me raconte. Et donc, comme tu étais à Libreville, tu étais toi libre en ville. Alors, maintenant, que dit donc des gens qui sont en ville, effectivement, qui grandissent en ville et qui, peut-être, pour ceux qui ont voyagé dans des pays étrangers comme vous, et que leurs parents meurent, sont enterrés avant qu'ils ne reviennent. Ils reviennent, ils vont sur la tombe de leurs parents pour aller parler en disant que papa, je ne t'ai pas oublié, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais là où tu es, laisse, je vais venir te construire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, cette personne-ci? Il est en train d'invoquer les esprits de mort. Mmh. Frère Cyril? Frère Cyril, est-ce que c'est normal cette sorcellerie-là? C'est proscrit, non? Ça a commencé, non? Ça a commencé, c'est tout le monde du jour. Il ne parle pas de mort, c'est la sorcellerie. Mais il va te dire que c'était quand même mon père. Il est mort, je n'ai pas vu sa tombe. Il fallait quand même que je parte me recueillir auprès de sa tombe. Est-ce qu'on a besoin de dire que devant la tombe de quelqu'un pour se recueillir? Ma distance peut te recueillir. Voilà. Osée chapitre 12. Voilà donc les traditions qui meublent et donc les choses qui font. Vous voyez, ces choses, c'est quand on s'en est doigté, c'est pour dire effectivement que les gens peuvent être inconsciemment enfuis dans les ténèbres sans s'en rendre compte, de façon subtile. Même au milieu chrétien, vous voyez, par réflexe, quand quelqu'un fait. Ben, vous voyez, par réflexe, quelqu'un fait. Par réflexe. Ok. Par réflexe. Ah, que Dieu nous bénisse. Oh. Oui, c'est vraiment l'ignorance. Tout simplement, c'est l'ignorance. C'est juste qu'aujourd'hui, nous avons la grâce. Vraiment, le Seigneur nous a fait grâce de le connaître, tout simplement, parce que mais... même les parents qui nous forcent même à le faire, tellement ils sont attachés à ces traditions-là. Ils n'ont pas, en fait, le Seigneur ne leur a pas fait grâce de comprendre ce que nous avons compris aujourd'hui. Exactement. D'où la nécessité de nettoyer sa maison. Mais le frère Benjamin n'a pas parlé aujourd'hui, c'est comment? Même la sœur José. La sœur José, quelles sont tes traditions à toi? Non, frère, je crois plutôt. Bon, j'ai plutôt un témoignage dernièrement. Donc, tu voulais garder ça pour toi. S'il ne parlait pas comme ça, tu ne devais pas parler. Non, c'est que j'ai cru que ça devait faire il y a trop long de parler de ça. Mm. Bon, c'est que c'est ma soeur qui m'a écrit. Elle m'écrit, elle me dit que je voulais te dire quelque chose. Je dis quoi? Elle me dit que la grand-mère, notre grand-mère est déjà morte. Elle me dit que, après elle me dit que toi tu ne crois pas au mort là. Écoute avant ce que je vais te dire. Je dis ok, je t'écoute. Elle me dit que ma maman, elle a dormi dans le songe, ma grand-mère maternelle. Donc sa mère est venue rencontrer, elle est venue rencontrer ma maman et elle a dit à ma maman que oh vraiment, Marie-Jo, on m'appelle mon petit Majo. Elle dit oh Majo a trop de problèmes. Elle a beaucoup de problèmes en ce moment. Il faut faire tel truc, telle chose. Quand ma soeur a fini de parler, donc je lui ai pas coupé sec. Elle dit que tu sais pourquoi ça se passe comme ça. C'est parce qu'ils ont remarqué que je ne suis plus en prise. Donc, ils n'ont plus l'emprise sur moi. Et du coup, donc, il faut qu'ils partent voir la mère parce qu'on sait que la mère va croire absolument parce qu'elle a vu, ils prennent le visage de la grand-mère pour parler et dire. Et du coup, la maman va se lever, aller faire des sacrifices, aller faire des choses parce qu'elle croit me donc faire donc mon bien. Parce que je suis sa fille. Moi, je dis à ma sœur que, comme je t'ai dit au jour d'aujourd'hui, là, ils n'ont plus l'emprise sur moi. Et le Seigneur actuellement me révèle beaucoup de choses dans les rêves. Me concernant, même me concernant à toi, ma grande sœur qui m'écrit, concernant aussi au père et tout et tout. Après, elle me pose la question, et moi, donc, c'est quoi? Mais j'ai ressenti dans mon corps que c'était pas le moment de lui dire cela. Je lui ai dit, c'est pas le moment d'en parler. Quand je vais savoir que tu seras, peut-être je vais te dire. Après, elle dit que, ah, dis que tu ne connais pas. Donc, le Seigneur te parle et puis tu n'es pas sûr de toi. J'ai plus répondu. Donc, vraiment, c'est l'ignorance, frère. J'ignore, c'est l'ignorance. Voilà. En tout cas. Donc, je suis tranquille. Elle croyait qu'à mon coup, là, je devais peut-être dire que oui, allez faire comme ça, allez faire comme ça. Moi, j'ai déjà interdit ma maman de ne plus amener mon nom quelque part. Ça ne me fait pas du bien. Bon, là sur ce, je vous pose la question. Il y a des témoignages des gens dans des familles qui, on a dit. Des gens vont venir effrayer les gens comme ça en disant que si tu veux, ne va pas faire les coutumes. Tu dis que tu crois aux choses de blanc là. Quand là, ça va t'arrêter et tu vas voir. Voilà tel qui a été folle parce qu'on lui a dit que allez faire les coutumes, ne pas aller faire les coutumes. Et là, voilà folle aujourd'hui. Voilà telle personne qui a fait l'accident à cause de cela. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Mon frère, comme le frère disait tout à l'heure, frère Junior, quand tu n'es pas couvert. Quand tu n'as pas une relation avec le Seigneur, tout cela, ça t'attrape. Ça, c'est vrai. Mais avec ce qui s'est passé, tous ces derniers temps-là, le Seigneur m'a fait comprendre, frère Junior, il m'a même parlé d'un événement. J'ai cru peut-être que j'étais folle. J'ai dit, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Après, j'ai dit, non, je vais respecter un peu ce qu'il m'a demandé de faire. Je vais attendre. J'ai attendu le nombre de jours qu'il m'a dit et je suis sortie aller regarder à l'heure qu'il m'a demandé de regarder. C'était exactement ce qu'il m'a dit. Après, quand j'ai ouvert la lettre, j'ai tremblé. Après, il m'a dit, tu comprendras qui je suis, le Seigneur avec qui j'ai fait alliance avec toi. Donc, j'ai compris que tu n'es plus des démons, aucun démon n'a plus l'emprise dans ma vie. Si toute chose arrive maintenant, ce sera par la volonté du Seigneur. Voilà. Donc j'ai beau le dire, ma soeur ne va pas comprendre. Mais il faut quand même dire de façon claire ici aux gens qui nous écoutent que, en réalité, même si ça se passe n'importe comment, c'est comme le frère Yassine a dit, ce sont des démons qui sont derrière ici et se prennent pour nos ancêtres. Les humains n'ont pas pour ancêtres les démons. N'est-ce pas? Déjà, maintenant qu'on lise le livre d'Osée, si ouvrez le livre de Jérémie, chapitre 10, le verset 3. Jérémie, le chapitre 10, le verset 3. Oui, frère, concernant ce que tu venais de dire tout à l'heure, là. Oui. Comme quoi, on te dit, si tu ne fais pas telle chose, tu vas devenir folle et tout et tout. En fait, je vais prendre mon exemple même personnel. C'était mon cas. Oui. Où quand ma tante est arrivée ici, elle m'a dit, parce que comme je voyais souvent certaines choses, elle me disait, mais non. Si tu n'acceptes pas les choses du village là, tu vas devenir folle. Oui. Donc, et moi-même, j'étais déjà oppressée à un niveau où souvent je marchais même comme ça, je parlais seule. J'ai senti que ça n'allait vraiment pas. Mais le jour où elle m'a parlé de ça, moi, je lui ai dit que tant que ce n'est pas avec le Seigneur Jésus, je ne peux pas accepter ça. Dire que si je ne me tournais pas vers Dieu, sûrement j'allais devenir folle comme elle a dit, Exactement. Moi, par exemple, j'ai aussi le même témoignage. J'ai un oncle, je ne sais pas pourquoi il aime beaucoup les marabouts. Oui. Il a, dans la famille, on me connaît, il a reçu une rebelle. Oui. Toi aussi. Il est parti un jour promener. On a dit là-bas que dans 3 mois, on va me tuer. Oui. Comme il connaît que sa soeur, le cœur tremble trop. Oui. Il appelle sa soeur, il dit, viens, vite, on travaille sur elle. Ma mère dit, tu ne viens pas, on va te tuer avec ma pauvre mère. S'ils veulent me tuer, tu penses que toi-même, il faut que ma mère est indigente. Tu penses que s'ils veulent te tuer, ils allaient d'abord te dire qu'ils vont te tuer. Voilà. C'est parce qu'ils ont vu qu'ils n'arrivent pas à te tuer, qu'ils viennent te demander d'ouvrir la porte. Je suis que là. Oui. Ça fait déjà peut-être 3 ans. Dernièrement, ils ont encore dit la même chose. Je lui ai demandé que ma mère. Depuis 3 mois qu'ils ont dit que je mourrais là. Je suis encore là. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. Terrible la sorcellerie. C'est vraiment triste parce que j'ai une tante comme ça qui a commencé à avoir les visions, les ancêtres, comme il disait, qui lui parlaient dans les rêves. Et en fait, on voulait qu'elle soit voyante, là, comme ils appellent ça au Cameroun, à l'ouest manicière. Oui. Et elle a longtemps refusé, et elle, sa vie n'allait vraiment pas. Oui. Elle devenait à la vie folle. On lui a dit que accepte. C'est le pouvoir, c'est un don que les ancêtres te donnent. Seulement ainsi, tu pourras être à nouveau une personne normale. Oui. Pour finir, elle a accepté et elle est partie faire ses initiations chez d'autres soi-disant voyants. Et aujourd'hui, elle est là, disant traiter et faire la voyance pour les gens. Oui, mais elle fait ses voyances là, mais elle m'a dit qu'elle travaille avec le pouvoir des dieux. Mais pourtant, ce sont les ancêtres qui l'avaient fait choisir en forçant. On les chicote même, n'est-ce pas, au cas où ils refusent. Justement, et elle a vraiment beaucoup souffert pour ça et aujourd'hui elle conduit en fait des gens dans le même chemin quoi. En tout cas, chacun fait son évangélisation. Il y a les âmes qui périssent, il faut qu'elle les fasse venir du côté sur leur côté là aussi, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 10 verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Jérémie chapitre 10, verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Voilà. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Oui, c'est bon. Donc, vous voyez, le premier volet dit les coutumes des peuples ne sont que vanité. Quelles que soient les coutumes que le peuple a instituées sur la terre, le Seigneur dit que c'est vanité. Et quand c'est vanité, ça veut dire que ça va passer, ce n'est que poursuite des vents. N'est-ce pas, mes soeurs? Et là, le prophète commence à vouloir développer sur l'idolâtrie, comment les gens vont dans l'idolâtrie. Vous avez vu le cas des Gédéons avec le prophète, avec le dieu Baal, au milieu du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Alors, commençons donc avec notre thème dans le développement. Donc, nous voyons effectivement que dans notre tradition, nous avons hérité des choses. La manière que nous avons hérité de notre père, comment vivre. Dans notre marche, nous avons hérité des choses de nos camarades. À l'école, on nous a installé des choses. Les plus grandes des idoles, les idoles les plus coriaces ont été installées à partir de l'école. La plus grande des idoles ont été installées à partir des écoles. Lorsque vous entendez à un homme, quand l'homme, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, crois en toi-même. Écoutez, mes chers frères, il n'y a pas quelque chose de plus démoniaque que cela. Amen. Ce qui est curieux, c'est qu'on a des pasteurs, qui c'est ceux qui se disent pasteurs également, qui sont dans ce cadre-là. Au point. Oui. Dehors. Allez, dehors. Le frère Richard. Ferme la porte là. Le frère Richard est reconnecté. Il y a un peu de bruit chez toi. C'est bon, je crois que c'est bon là maintenant. Alors, donc, nous voyons au milieu chrétien. Avez-vous déjà entendu parler du coaching dans le développement personnel qui pousse les gens à croire en sortir le Mamadou qui est en eux? C'est partout dehors maintenant. À sortir le lion qui est en eux, le héros qui est en toi. N'est-ce pas la sœur Francine? Le développement de la pensée positive aussi, frère. C'est de ça dont je viens de parler. Ça tourne autour de cela. Il faut penser élevé. Il faut avoir des visions. Il ne faut pas rester dans vos églises là pour prier, croyant que la manne va tomber du ciel. On fait comme ça, on se moque d'abord de ta foi. Que depuis que tu pries là, ça change quoi? Et si ça a déjà changé un de ces jours? Et quand on fait comme ça, tu te regardes aussi comme si tu étais misérable. Donc, la plus grande des idoles a été installée dans nos vies au travers des écoles. Pourquoi? Parce que ces écoles-là ont été conçues, les programmations ont été conçus dans les ténèbres, manifestés au courant des siècles, dans des écoles comme par exemple, vous appelez quoi la Grèce? Prenez par exemple la Grèce. Et vous y voyez dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez effectivement dans le Panthéon et puis dans le livre des Actes des Apôtres, particulièrement, vous voyez dans la ville d'Athènes, la Bible déclare qu'il y avait plusieurs idoles là-bas et la Bible déclare que tous les Athéniens passent leur vie qu'à écouter des nouvelles. Il y avait les stoïciens là-bas, il y avait les platoniques, enfin tous ceux qui ont fait philosophie, en sait de quoi il est question. Mais d'où tirait-il les sources d'inspiration? Au point où on parle par exemple que Platon, Socrate sont des grands pensées, des grands esprits de notre époque, qui ont transcendé les temps et qui pensaient qu'il y avait des visions des époques futuristes. Ces grands pensées-là seront développées au point où il sera dit plus tard de Platon, en disant également de Socrate, au temple des Delphes sera écrit « Connais-toi toi-même » qui est même la base et le développement même de la philosophie. Cette base de la philosophie va développer et tourner dans la pensée de l'homme à se connaître soi-même. Ça veut dire qu'il faut que l'homme commence à se chercher. Et là, la pensée philosophique de la science, de la scientologie, des sciences ésotériques tourne autour de cela. Au lieu que l'homme cherche à connaître Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se connaître soi-même. Et vous voyez effectivement dans la Rose Croix, on dit que il faut que on pratique le christianisme intérieur, le Dieu qui est en chacun de nous. Ça veut dire que c'est comme si Dieu est en chacun des êtres humains. Il faut seulement développer Dieu à l'intérieur pour sortir à l'extérieur. Vous voyez comment de façon subtile, à partir de l'éducation, à partir d'une seule formule, au temple de Delphes. Écoutez, et souvenez-vous que la Delphes là, c'est l'esprit serpent qui se trouve sur ce temple là, qui est adoré là-bas. Et donc on dit connais-toi toi-même. Que veut dire connais-toi toi-même? C'est vrai, on dit que tu commences à chercher à connaître ce qui est à l'intérieur de toi, les potentialités qui sont à l'intérieur de toi. Donc, tout ce développement humain que nous avons aujourd'hui, le développement de la potentialité humaine, découle de cette philosophie platonique de Socrate là. Alors, vous voyez effectivement que l'éducation fait du mal aux gens. Au lieu de chercher Dieu, l'homme cherche l'homme. L'homme cherche ses prouesses. Et par conséquent, ce développement-là peut aller sur le plan scientifique au point où on a les développements technologiques au point maintenant où les hommes ne veulent plus croire à Dieu, ils croient à l'homme, à la potentialité de l'homme de résoudre les problèmes humains. Pourtant, Jérémie chapitre 10, puisque nous y sommes, lisez le verset 23, voir. Vous avez ouvert Jérémie chapitre 10 tout à l'heure, lisez le verset 23. Souvenez-vous, l'éducation naturelle telle que nous avons là a beaucoup plus installé les idoles sur le cœur humain. S'il y a des forteresses, la Bible déclare, enfin, on va lire ça tout à l'heure dans les Écritures avant de voir le nettoyage. Nettoyer sa maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Je crois que si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine encore dans cette lancée. Parce que ça sera grave. Jérémie chapitre 10, verset 23. Verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Voilà. Vous avez entendu cela? Mais le prédicateur vient aujourd'hui, dit aujourd'hui de façon moderne, en disant que si tu restes là comme ça, tu crois que c'est Dieu qui va, c'est toi qui, que Dieu va venir tomber du ciel. Allons dans le livre de Romains au chapitre 1. Notez Romains chapitre 1, puis 1 Corinthiens chapitre 1 également. 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 2. Nous allons parcourir là-bas en commençant cette. Souvenez-vous qu'on a commencé. J'ai demandé que vous lisez, vous prenez. Le livre de Osée au chapitre 12, comme texte de base, c'est là où nous allons travailler. Mais allons, faisons un détour dans le livre de Romains au chapitre 1. Romains au chapitre 1. Regardez, verset 18 et suivant. Romains, le chapitre 1. Puis après, si on va aller dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 1 et chapitre 2, on va y parcourir. Verset 18, qui peut lire? À partir du verset 18 jusqu'au verset 32. Romains chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22, écoutez. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous avez entendu ça? et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alors, arrêtons-nous d'abord là-bas, ma soeur. Vous entendez les profondeurs de ce que l'apôtre Paul a révélé ici? C'est vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Donc, la soif de la connaissance, la soif de la sagesse. Souvenez-vous, dans l'huile de Jacques, il est fait mention là-bas de deux styles de sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, d'auprès du Père de Lumière, et la sagesse qui est d'en bas. Cette sagesse-là qui est diabolique, qui peut faire des inventions pour s'autodétruire. Cette sagesse-là qu'on développe pour avoir la suprématie sur l'autre, pour prendre l'autre comme esclave. Cette sagesse-là qui nous donne d'avoir la personnalité, de nous endoguer davantage au détriment des autres. Alors que la Bible déclare que la sagesse qui vient d'en haut est d'abord purement pure, conciliante. Vous voyez cela, n'est-ce pas, ce qui vient de Dieu. La Bible déclare donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé quoi? La gloire de Dieu en image corruptible. Ici, la Bible déclare que Dieu les a livrés quoi, à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pas étonnant que vous voyez quelqu'un prend son propre corps, mais vous voyez, dans des émissions, des gens se transpercent le corps. Des gens, d'autres gravent des figures là-dessus du corps, d'autres font des choses, et ils disent qu'ils font ça pour entrer dans les records Guinness. C'est terrible. Vous voyez, les hommes vont s'opérer aujourd'hui pour devenir femmes. Des femmes vont s'opérer pour devenir hommes. Vous posez la question, c'est quoi? Ils disent, au nom de la liberté d'expression, de la liberté de penser. Libre pensée. Donc, il faut qu'on les pensées évoluent. On a des pensées, il ne faut pas qu'on ait les pensées rétrogrades des temps anciens. L'éducation a installé beaucoup de choses en nous dont il faut nettoyer. Nous parlons de nettoyer notre maison. Nettoyer sa maison. Il faut qu'on nettoie ces choses-là. Donc ces choses qu'on nous a inculquées, qui ont grandi en nous. Souvenez-vous, le nettoyage de la maison se fait dans deux volets, comme je dis, à l'intérieur, puis à l'extérieur, c'est-à-dire sur le plan physique. Alors sur le plan intérieur, à l'intérieur de nous, c'est plus subtil et ce n'est pas facile. Parce qu'à l'extérieur, vous pouvez facilement regarder que vous avez mis quelque chose dans un coin comme le parfum dont je vous ai montré tout à l'heure là en image. Vous pouvez voir cela, vous pouvez attirer l'attention là-bas. Mais ici à l'intérieur de nous, pour que ça soit injecté, vous n'avez pas eu besoin de quoi que ce soit. Vous avez seulement transcendé au milieu de la culture et puis vous avez pris cela. Il va falloir que la lumière, la torche de l'évangile soit pointée là-bas pour que vous voyez que ici il faut enlever les idoles, ici il faut détacher telle ou telle chose. Alors je pose la question, les standards que nous avons aujourd'hui, les modes que nous avons aujourd'hui, les réflexions que nous avons aujourd'hui, les différentes orientations que nous avons aujourd'hui, où est-ce que nous les avons puisées? L'inspiration venait de qui? Quand nous avons accepté comme venant de Dieu ou bien de Lucifer? Ce sont les pistes de questions que nous allons répondre. Alors la Bible déclare quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est terrible. Les potentialités, mais l'humanisme. On croit en l'homme. On croit en la valeur de l'homme. On croit au potentiel de l'homme. Vous posez la question, croyez-vous en Dieu? Vous dites non. Ici, là, on ne parle pas de la foi. La foi est personnelle. Mais croire en l'homme n'est pas personnel. C'est ce qui est terrible. Continue, ma soeur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Vous avez entendu ça? Des femmes qui font l'amour avec le serpent, qui couchent avec les chiens. Dieu dit que quand vous voyez ces choses-là, il veut vous dire comprendre que c'est parce que quelque chose ne va pas dans leur culture. Comme ils ont voulu montrer qu'ils sont sages, Dieu leur a donné un esprit d'égarement pour qu'ils commettent ces choses. Mais vous allez voir, on va dire que c'est la liberté. Vous allez voir cette femme-ci, est-ce qu'elle le fait pour l'argent? Elle dit non. Vous voyez une femme qui épouse un chien, une femme qui épouse un chat. C'est terrible, c'est terrible. La Bible déclare c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes. Vous voyez, on n'a pas dit, Dieu dit que le signe c'est que voici ce que les femmes font. En voyant que vos femmes font comme ça, sachez que Dieu les a livrées. Dieu a mis cette marque sur les femmes pour que vous sachiez que quelque chose ne va pas dans l'éducation. Quand les femmes font ces choses, sachez que Dieu a livré sa société. Dieu a rejeté cette façon d'agir. Il faut le nettoyage. Car leurs femmes, il dit c'est pourquoi Dieu les a livrées à des passions infâmes. Car leurs femmes, les passions infâmes sont le signe que Dieu les a livrées. Les passions infâmes qu'on a en nous. Un homme se marie avec un homme. On montre cela à la télévision. Un mec salue en applaudissant, en portant les attributs d'un pays sur lui pour dire que nous endossons ça sur notre pays. Que non, à Montpellier, l'histoire de tiendra qu'à Montpellier fut célébré le premier mariage homosexuel. Et on prend ça comme trophée. On applaudit, on présente à la télévision. La malédiction vient sur la France. Attendez, continuons. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc vous voyez effectivement que ces choses ne sont que les rétributions. Maintenant frère, je vous dis, je recommence encore, l'éducation a fait beaucoup plus de mal en installant les citoyens en nous que toute autre chose. Maintenant on dit ici que l'homosexualité, le désir qu'un homme va avec un autre homme, ce n'est que le salaire qui méritait l'égarement. Donc ils se sont égarés depuis, ce n'est que les conséquences de la salaire. Donc Dieu a les rétribuer seulement comme ça. Mais où est-ce qu'ils sont égarés? Ils ont dit c'est vantant d'être sage. C'est là où l'égarement a eu lieu. C'est vantant d'être sage. Envoie la créature. La Bible déclare au verset 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a rien fait connaître. Car les perfections invisibles de Dieu, sa divinité et sa puissance se voient à l'œil nu, en contemplant la galaxie. Vous pouvez vous prosterner, vous devez vous prosterner pour montrer qu'il y a quelqu'un, pour que ça, vous pouvez savoir clairement qu'il y a quelqu'un derrière qui a créé toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est le Big Bang. On dit que c'est la nature qui nous a accordé cela. Que la nature a voulu. Donc la nature a une volonté. La nature a une volonté. Que la dame nature s'est fâchée. La nature s'est déchaînée. Que la nature s'est déchaînée. La nature n'est pas un être. Dieu contrôle la nature. La Bible déclare qu'il contrôle les saisons. Il les dispose comme il le veut. Il oriente la pluie comme il le veut. Il les appelle à lui, les eaux de la terre. Il les amoncelle en un tas et les déverse sur la terre. Les hommes disent que c'est la nature qui l'a faite. D'autres disent que c'est le Big Bang. Que non, c'est la théorie du Big Bang. Non, il y a eu évolution. Non, il n'y a pas eu un créateur. Il n'y a pas un esprit créateur quelque part. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. Vous voyez, c'est 20 ans d'être ça. Ils sont devenus fous. À cause de ces choses, Dieu dit le fait que les hommes aiment les hommes, couche avec les hommes, avec les animaux, les femmes vont avec les animaux, c'est le salaire de votre éducation. Dès l'éducation, vous avez été égaré. La soif de la connaissance nous a égaré au point où le salaire, c'est ça. Voilà donc là où ça nous a conduit. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Celui qui sont créés plutôt Dieu, la sainte voulait nous conduire dans la crainte de Dieu, donc dans à fuir le péché. Et le fruit qu'on devait porter, c'est la sainteté et la rétribution, la vie éternelle. Mais maintenant, comment on a soif à la connaissance? Soif de la connaissance, Satan nous a livré la connaissance en montrant clairement que nous sommes des dieux. Nous pouvons fonctionner comme Dieu, indépendant de Dieu. Si on mange de ces connaissances-là, si on a ces connaissances-là, on n'aura pas besoin de Dieu. La sagesse de l'homme venant de Satan est destructive pour lui et pour son semblable. Et donc, nuisible pour les œuvres de Dieu. Vous voyez ce qu'on en est? Donc, l'éducation a beaucoup plus produit des idoles en nous. Plus que les traditions. Les traditions sont subtiles. C'est la superstition. On suit tout simplement. Mais l'éducation a mis des forteresses en nous. La plus grande de ces forteresses-là, c'est le principe de connecter toi-même qui se ramifie dans plusieurs niveaux. Que ce soit en éducation, que ce soit en médecine, que ce soit en histoire, en géographie, en sciences physiques, en mathématiques. Tout cela est développé de là-bas. C'est le grand Satan là-bas, dans ce livre de Antoine Lavie là-bas. Tout est développé tout autour. En fait, il n'y a pas de péché. Vous devez chercher à connaître vous-même. Quand la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant, qui peut le connaître? Dieu pose la question, qui peut connaître? Tu ne connais même pas d'abord ton cœur. Tu veux connaître l'homme. Comment tu vas faire pour connaître l'homme? Alors que toi-même, tu poses des actions que tu regrettes en disant que, mais qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? Comment tu vas essayer de te connaître, frère? En réalité, c'est des sectes exotériques. Ils savent ce qu'ils ont dit, connais-toi toi-même. Donc, au lieu de te concentrer à chercher Dieu, tourne-toi vers l'homme. Sachant que, comme tu vas quitter le surnaturel pour venir dans le naturel, Satan aura la gouvernance sur nous. Donc, la soif donc de contrôler le naturel, la soif donc de comprendre ce qui se passe dans le naturel, a poussé les hommes à désobéir à Dieu et par conséquent à être livrés à la main céleste. L'éducation a beaucoup plus créé de problèmes. Continue, ma sœur. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Maintenant, frère, dites-moi si ce n'est pas la peinture, le tableau décrit de notre époque ici. Dites-moi si ce n'est pas cela. N'est-ce pas ça que vous vivez dans vos pays, dans les pays européens, là, en bref, dans la télévision, dans les parkings, dans les parcs d'attractions, en pleine route, vous ne vivez pas cela? Alors, ça frère, le monde s'est foutu. Le monde est prêt pour le feu. Ce n'est que le feu qui va descendre pour détruire ce monde. Ce n'est que ça, ce n'est que la solution. Le meilleur endroit que ce monde puisse avoir, c'est le feu. Préparez-vous. Préparez-vous. Il faut le nettoyage. Il faut le nettoyage. Il faut que les tentacules de ce système-ci dans notre vie puissent être extirpés. L'éducation a installé la plus grande des idoles dans notre vie que toute autre chose, l'éducation. C'est-à-dire le modernisme. Prenez tout simplement les anciens films d'antan que vous voyez, par exemple, dans les pays africains, vous voyez les gens qu'on les appelle les gens primitifs. Vous voyez comment ils vivaient, un peu moins encore pollués. Et maintenant, regardez maintenant l'ampleur qu'a eu le modernisme et la démocratie à outrance de la colonisation sur le peuple. Et voyez ce qu'il en est. La société que les Européens veulent imposer aux gens en disant que ce n'est pas le pays, notre pays n'est pas moderne comme les gens se plaignent là. Ce qu'ils veulent présenter là, souvenez-vous, ce n'est pas le modèle exemplaire. Le modèle exemplaire, c'est une nation qui craint Dieu. C'est ça le modèle exemplaire. Et maintenant, la Bible déclare que bien que connaissant le jugement de Dieu sur toutes ces choses, déclarant de mort toute personne qui commet, non seulement ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils le font. C'est-à-dire quoi? Dans notre société, vous êtes homosexuel, on vous protège. On dit que non, les homosexuels ont leurs droits, LGBTQ ou c'est quoi là? Non, il faut les protéger, c'est les droits de l'homme. Les Nations Unies, c'est nuit pour... Non, sa dictature. Et on impose même au gouvernement d'accepter ces lois. Non seulement ils les approuvent, mais ils approuvent ce qu'ils ont fait. C'est terrible ce qui est en arrivé sur la terre. C'est terrible. Frère Junior. Oui, ma soeur. Sans vous couper seulement, c'est pour brosser ce que vous venez de dire là. Oui. L'Allemagne dont je vous parlais la journée d'aujourd'hui. Oui. Oh, je ne sais pas seulement. On n'avait pas parlé quelque chose. Il dit oui. Il ne faut pas que je parle en Allemagne que l'homosexuel est défendu. Ça, c'est un pasteur qui dit ça. Il n'est pas pasteur. Oui. Après seulement fini de parler avec les membres de l'église là. Oui. Qui se disent des pasteurs là. Oui. Donc, on n'avait même pas parlé quelque chose. Mm. Il a seulement lui avait dit, il ne faut pas parler de l'homosexualité. Hein, sinon, ils vont te faire renvoyer. Mm. Je dis que, mais vous lisez quelle Bible? C'est quelle Bible vous lisez, on dit de ramener la vérité. C'est la Bible où on parle de l'amour. Ils disent Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Dieu est amour. N'est-ce pas? Dieu est amour. C'est ça dont ils lisent dans la Bible. Donc c'est seulement ça que je voulais dire. C'est incroyable. Quand il m'a dit ça, il dit quand même. Comment on ne va pas dire que l'homosexuel est interdit? Oui, si tu dis ça, il disait ce sens-là pour me faire comprendre. Il dit que si tu dis ça ici, Albertine, on va seulement te mettre en prison, bien te renvoyer de chez toi. J'ai dit, Nous y voilà. Et maintenant, regardez vos lois et l'européen, comment c'est voté au point où si on vous tasse des xénophobies, on va vous mettre en prison, vous allez payer certainement des amendes contre cela. Ça veut dire qu'on a élevé l'homosexualité jusqu'à protéger même l'homosexualité au point où vous ne pas prêcher. Alors si vous êtes prédicateur, vous ne parlez pas contre cela en Europe. Vous êtes coupable exactement comme le verset de Dieu. Vous approuvez cela. Parce que la Bible déclare que vous êtes, les gens qui font cela sont dignes de mort. Bien que connaissant le jugement de Dieu contre cette affaire-là, non seulement ils les approuvent, mais ils le font également. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 et suivant. Le nettoyage. Vous voyez comment Gédéon, quand Dieu s'est révélé à Gédéon, avant qu'il ne parte pour travailler, Dieu a d'abord dit, va dans la maison de ton père. Détruit les pieux de cette statue de Baal qui se trouve là-bas à l'intérieur. Il allait détruire. Vous ne pouvez pas aller fonctionner avec des idoles à l'intérieur de nous. Ce n'est pas possible. D'autres ont même des tables en forme de sirène, en forme des esprits à la maison. Ils mettent à la maison, ils ont. Ils disent c'est quoi? Non, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, tu parles. Continuons. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 17 à 30, d'abord. Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 30. Mm. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oui. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'en ai tiré l'intelligence des intelligents. Stoppons d'abord, ma sœur. Non, on devrait se poser des questions ici. Lorsque nous lisons de telles choses, nous devons nous poser la question. Si Dieu a prévu dans la Bible de détruire la sagesse des sages et détruire les intelligents et d'anéantir l'intelligence des intelligents, la question devait se poser. On devait se poser la question 1. Pourquoi le détruit-il? 2. D'où venaient ces sagesses et d'où venaient ces intelligents à ces intelligents-là, les gens qui étaient intelligents sur la terre. D'où leur venaient cela au point où Dieu qui va les détruire. Parce que ces sagesses-ci ne venaient pas du Seigneur. Parce que cet esprit-ci, cette intelligence-ci, on dit que telle personne est extrêmement intelligente, sont les esprits de notre époque. Il a inventé telle chose qui a produit de bien à l'humain. Satan ne peut pas vous donner directement quelque chose comme ça qui va vous donner, qui va vous faire nuit. Non. Au premier abord, on montre toujours le bon côté de la chose. Satan vous donne un morceau de sucre dans lequel il y a un hameçon calé. Vous avalez, quand vous sucez, à un moment donné, ça entre dans votre langue. C'est comme ça qu'il fait. Donc, la Bible déclare ici que, aussi, il est écrit. Donc, Dieu a prévu, c'est écrit dans le livre de Job, que je détruirai la sagesse des sages. Pourquoi Dieu va détruire la sagesse des sages? Si ça venait de lui, il ne détruirait pas. S'il doit anéantir l'intelligence des intelligents, alors ça veut dire que cette intelligence ne vient pas de lui. Il faut qu'on ne se leurre pas. Il faut qu'on comprenne que les découvertes scientifiques qui font boum là et que ça montre la gloire de l'homme ne vient pas du Seigneur. Voilà, continue ma soeur. Ta soeur là est fatiguée ou bien tu es de connivence maintenant avec les sages, dis-moi. Non, frère. Mm. Ouais. Bon, verset 20. Mm. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu? N'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Stop. Non, regardez. La Bible déclare, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? C'est-à-dire, par les œuvres de Dieu, par ses façons d'agir, Dieu a prouvé que la sagesse, la façon du monde de présenter sa sagesse est une folie, est illusoire, est vaine. Vous voyez, Dieu n'a-t-il pas convaincu le monde? Quoi? Convaincu de folie la sagesse du monde? Donc, le monde a sa sagesse, a son style de sagesse. Mais Dieu appelle ça la folie. Et Dieu appelle ça la folie. Donc, le style de façon de Dieu d'agir est folie par rapport au sagesse du monde. Continuons. Car, écoutez très attentivement. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Donc, la découverte scientifique, oui. On a découvert tel plutonium, on a découvert une autre planète, on a découvert les exoplanètes. Chaque année, en 1995, on était à 500 exoplanètes. Maintenant, nous sommes à 5000, à 4000. Maintenant, je pose la question. Cette découverte-là, à l'issue de cette découverte, est-ce que la conclusion, c'est que vous dites, oh Dieu, tu es grand? Que non, non. Vous dites, oh, la science a fait des progrès. Les hommes scientifiques ont fait des progrès. Ils travaillent d'arrache-pied pour découvrir, pour percer le secret de l'univers. Vous voyez la folie, n'est-ce pas? Mais pendant que je suis en train de parler, il y a des scientifiques ici qui sont en train de m'écouter. Le frère Cyril et le frère Hyacinthe. C'est comment? Vous ne parlez pas? En dernier ressort, on a découvert les dernières causes génétiques. Avec les gènes, maintenant, on est remonté jusqu'à la souche des premières souches humaines. Dans la science, on peut faire maintenant les sciences chromosomiques au point de déterminer avec exactitude quel sera le comportement de tel ou tel enfant sur 200 années. En utilisant sur les échantillons des 200 espèces, on peut déterminer quelles sont les maladies. Avec cette découverte scientifique, on peut soigner les maladies héréditaires que jadis en 1918, on ne pouvait pas s'adjuger. Ces médecins, ces choses-là dont on parlait, que c'était des maladies spirituelles. N'est-ce pas, mes chers frères? Oui. Mais la question, c'est qui a créé ces choses? Bonne question. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Donc, avec sa sagesse, non, pas conduire Dieu. Ça veut dire que si la sagesse vient de Dieu, ça va finir par conduire les gens plutôt à Dieu. Mais si quelque chose vient et que ça éloigne plutôt les gens de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas, le frère Richard? Amen. Mais tu es avec nous, non? Comment? Dis-nous, frère, tu m'entends bien? On est fichu ici, oui, Dieu. Satan a foutu la merde partout, pas vrai? Oui, bien sûr. Mais je voulais plutôt relancer ce point que tu évoquais tout à l'heure par rapport à l'homosexualité. Oui. Lorsque tu disais que, lorsqu'on disait le 1 Corinthiens, que Dieu les a livrés dans l'esprit des carrefours. Oui. Mais quand on voit le fonctionnement, quand on essaie d'observer de loin le fonctionnement de ces homosexualités dans notre société, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière les esprits? Oui. C'est-à-dire que c'est pas seulement la volonté des hommes de devenir homosexuels, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des esprits derrière? Parce que quand on écoute les témoignages ici et là, on voit des gens, on entend des gens dire oui, ils nous ont imposé cela, et des gens témoignent en disant que c'est un moyen pour justement faire passer les esprits, pour que les gens soient possédés. Est-ce que cette pratique-là, l'homosexualité, il n'y a pas des esprits derrière? En tout cas, c'est purement et simplement spirituel. Donc, ça veut dire qu'il y a les démons de l'homosexualité qui font cela. Parce qu'un être humain normal ne ferait pas cela. Parce que les homosexuels ont besoin de délivrance. Il faut comprendre également qu'il y a des personnes qui disent que non, depuis ma jeunesse, j'ai senti de l'attirance pour les femmes. Il est possédé depuis. Donc l'homosexuel est possédé. Tous les homosexuels sont possédés. Il leur faut la délivrance. C'est la délivrance dont il le faut. S'ils sont délivrés de cet esprit-là, ils seront normaux. Parce que Dieu a créé les hommes pour aller avec les femmes et non le contraire. Donc ça veut dire que tous les homosexuels sont possédés. Alors quand Dieu dit ici qu'il les a livrés, ça suppose qu'il a donné l'opportunité. Comme vous voulez, à ce prix-là, ça, les esprits sortent en vague pour aller investir ces gens-là et les pousser à faire ces choses-là. Quand la personne dit qu'il sent les sensations, il sent plutôt l'attirance vers les hommes, il croit que c'est lui qui a envie de les sentir. C'est la présence de cet esprit-là en lui qui a envie de le pousser vers le sexe, de sa nature. D'accord, mon frère? Mais comment un être humain normal peut embrasser un animal jusqu'à faire bisous au chien? Ça a des sens, frère? Ah, je suis d'accord avec toi que ça n'a pas de sens. Mais si on voit aussi la chose de l'autre côté, comme disait, je pense, pasteur Abetti, oui, que les pasteurs refusent de comparer oui, justement de ce problème d'homosexualité, est-ce qu'il n'y a pas aussi un arrière-plan, je vais dire, de la volonté de Dieu? C'est-à-dire, oui, comme en Europe, par exemple, il y a des lois. Oui. C'est-à-dire tout est régi par les lois, même les églises fonctionnent sous la loi. Oui. Donc, par conséquent, ce sont des associations à but non lucratif qui sont enregistrées, associations culturelles. De toute façon, il fonctionne, ces églises-là fonctionnent sous la loi. Oui. Maintenant, si la loi du pays dit, ou, comme on voit dans presque tous les pays aujourd'hui, oui, où l'homosexualité est officialisée, oui, ça fait partie de la loi. Oui. Maintenant, toi, tu es membre d'une église, ou pasteur, ou dirigeant. Oui. On vient. Quand tu es en France, c'est déjà la loi, tu es au courant. Oui. Et voilà deux homosexuels qui entrent dans ton église. Oui. Ils te disent, je veux que tu bénisses notre mariage. Oui. Mais en tant que serviteur dans un pays de loi, tu n'as que deux options, je pense. Soit tu démissionnes, tu bénis, être dans la corruption, oui, ou bien fermer ton église. Oui. Parce que si tu ne le bénis pas, ils sont dans leur droit de venir réclamer cela. Voilà. Oui. Donc, je pense aussi que peut-être qu'il y a une volonté de Dieu derrière pour permettre aux enfants de Dieu qui sont encore dans ces milieux-là, oui, qui, en voyant ces pratiques, oui, qui comprennent exactement que ce n'est pas le lieu où ils devraient être. Oui. Donc, je sais qu'il n'y a pas un arrière-plan de la volonté de Dieu que ces choses-là progressent comme ça. De l'autre côté, justement, on peut voir ça comme ça, mon cher frère, exactement. Mais en posant la question de l'autre côté de la main, on se pose la question, qui a demandé à ceux-là d'aller se vautrer dans la loi pour pouvoir prendre une institution? Dieu n'a pas une institution sur la terre. Tu vois cela? En voyant justement, comme tu viens de le dire, les enfants de Dieu qui craignent Dieu, en voyant que ces personnes se sont livrées comme ça, montrent clairement que ce n'est pas la façon de Dieu d'agir de façon institutionnelle. J'ai pris que Dieu te ouvre ton esprit comme ça, tu marches partout dans les rues, là tu prêches, on t'attrape bien. Comme tu n'as pas suivi, ça va, frère. Ma prière, que Dieu exauce seulement ma prière. Il dit, je prie seulement pour toi, que Dieu t'utilise bien là-bas. C'est ce que tu nous dis. Pour que je fasse quoi? Pour que Dieu t'utilise bien là-bas en Europe. Ah, c'est violent ici, vraiment. C'est violent. Non, mais j'ai pris que l'Esprit de Dieu tombe sur toi afin que tu prêches comme il se doit là-bas. N'est-ce pas, frère? Amen. Amen. Merci beaucoup. connaître au Seigneur. Amen. Alors, la Bible déclare que puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Continue ma sœur, verset 22 et suivant. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, puissance de Dieu. Donc en réalité, chacun doit chercher son camp. Soit vous êtes pour l'école, l'écolage et tous les esprits de Platon et autres. Soit vous êtes pour les juifs qui couraient seulement derrière les miracles. Vous restez derrière la sagesse. Vous allez avoir beaucoup de choses, vous pouvez avoir des bénédictions là-dessus. Vous allez derrière les juifs en forme de miracles, vous allez avoir les miracles. Mais la Bible déclare que nous prêchons Christ crucifié. Donc c'est la croix qui nous intéresse. Vous voyez? C'est la croix qui nous intéresse. Ah non, il faut fréquenter, il faut être... Regardez le monde évolue, il faut changer, il faut avancer. Oui, il faut avancer. Ça, c'était bien. C'est bien. Toutes les époques, c'est bien pour l'humain. Les juifs cherchent les miracles parce qu'il faut voir. Waouh, les miracles. Vous voyez cela? C'est bon. Mais en fin de compte, il faut être sauvé. Continue, ma soeur. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Oui. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Verset 26. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26, enfin. Verset 26 ou 27, frère? Verset 26, c'est pas verset 26 chez vous? Si, oui, j'ai cru entendre 27. Oui, allons-y. Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce que la recommandation des Saintes Écritures? Amen. Allemande à la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dans la deuxième partie de cette prédication, nous allons y revenir en nous étendant clairement et bien là-dessus. Nous avons brossé de façon superficielle. Dans la deuxième partie, nous allons continuer. D'accord, mes frères et sœurs? Amen. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, le message de Dieu n'est pas compliqué, d'accord? Amen. Jésus-Christ appelle, reprends alors pas son appel d'amour. Si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point de pardon pour toi. Oh mon ami, Jésus-Christ t'appelle, réponds alors à son appel d'amour. Si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point de pardon pour toi. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris ta péché sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris ta péché sur lui. Voilà, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à dimanche, s'il plaît au Seigneur, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Dans la paix. Le Seigneur te fortifie. Bon dimanche à vous. Amen. Shalom, shalom. Paix sur toute la famille. Shalom. Mais frère Junior, je reste comme tu m'as promis. Qui a de parler? Le frère Junior avait les promesses. Je n'ai pas, je n'ai pas. Non, c'est Marie-Josée. Comme tout à l'heure, frère Junior, tu m'as dit que tu devrais. Oui, à tout à l'heure, non? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, tu me programmes quand, frère? Depuis un mois. Comme avec les promesses là. La promesse, ne t'inquiète pas, patience. Si ça tarde, la promesse tarde, attends toujours. D'accord, ma soeur? À tout à l'heure. Je vous aime. Moi, je vous aime. Le frère Guyanais a dit ce que je dis. Amen. Je vous aime. Moi, je vous aime. Je vous aime. Amen, frère. Amen. Amen.